là là là. Tout le temps les mêmes. Oh là là, Jean-Pierre. Comment ça va, Richie? Ça va très bien, c'est vrai. Pourquoi ça va bien? Parce que c'est l'émission numéro 16. Exactement. Et 16, ça rime avec Pèse. Avec pèse, les ouais. petits bonbons pèse. Mais ça rime également avec obèse. Ouais, ouais, ouais, ouais. Fraise. Les petits, les fraises. Terre glaise. Terre glaise. Aussi. On a eu, je me permets de vous le poser, on a eu plusieurs remarques de nos auditeurs. Est-ce que vous êtes enrhumé à nouveau pendant cette émission? Oh non, il n'y a eu aucune remarque des auditeurs. Oh là là, quelqu'un dès le début. Pascalino. Okay. Pascalino, il fait le montage et ça l'embête parfois de vous entendre renifler. C'est vrai que pour la dernière, la 15e, j'étais un petit peu enrhumé. Ouais. Et donc je reniflais des fois de façon un peu inappropriée. D'accord, mais ça arrive à tout le monde, on va pas bouger. Quoi de neuf depuis la 15e d'ailleurs? Eh bien écoutez, tout va bien. Moi, c'est un vrai plaisir déjà de vous retrouver. Mais moi, c'est toujours un plaisir de vous voir. Mais tout va très bien. Mais rien que de vous voir. Ouais, ouais. Pas de vous entendre. Ah, je vais. Je vous avais laissé des photos en plus. C'est vrai. J'espère qu'elles vous ont fait plaisir. Oui, beaucoup, c'est vrai. Elles m'ont fait plaisir et m'ont aidé à passer le cap qui est le cap de la rentrée. Oh, ah oui, ça y est, vous avez repris vous? Ben non, pas encore, mais c'est la rentrée. Ok. C'est d'accord. agréable pour vous ou pas? Si on parle de rentrée, si on parle de rentrée d'enfance, si on parle de rentrée d'école. Ah, est-ce que ça m'évoque des bons souvenirs? Ouais. Ouais, moi j'aimais trop. J'aimais trop surtout collège. Collège, ouais, lycée, je m'en foutais un peu plus, mais collège, j'aimais trop. Ah bon? Parce qu'on fait un flou de casse là en fait. Clairement. Bah, ça dépend, est-ce qu'on se faisait maltraiter? Non, on n'était pas des victimes. Bon, bah. Enfin, suis-moi un peu quand même. Mais si, collège, j'aimais trop parce qu'il y avait les nouvelles fournitures, il y avait les nouveaux habits, mais et oui, surtout, il y avait ça, les classes. Parce que vous étiez un anti. Un anti. Un anti, parce que. Un anti-système. Un anti-saucisse. Non, parce que moi j'étais trop pauvre pour avoir une trousse. Ouais, mais non, mais. Alors même... je mettais tous mes crayons, enfin mes crayons c'était des bouts de bois qu'on faisait brûler dans la cheminée avec le charbon, on écrivait un peu. Taillé avec le cutter de votre père. Et, que je tenais dans ma main. Bah vous aviez un élastique, quand même. Mon crayon, je le rangeais dans ma main. Oui, très bien. Mais je me souviens que vous marquiez genre sur vos crayons Sergio Tacchini, DDP, ouais. Parce que. Ouais, Ferrari. Genre c'est de la marque. Vous les enrouliez avec un Citroën, petit élastique. Citroën sur mon crayon. Ouais. Ah bah c'est ouais. Non mais j'aimais surtout. Bah alors on repart en sixième, mais après savoir avec qui j'allais être et connaître la composition des classes. C'était quand même... ça vous intéressait ça. Ouais, c'était un peu comme la composition des équipes d'une équipe de foot et je trouvais ça trop bien quoi. Ça ouais, qui, oui, bon, j'ai plutôt des bons souvenirs. Ouais. Moi j'arrivais pas à dormir avant la rentrée. Hein. Ah mais non, mais c'est normal. Moi il y avait cette petite tension un petit peu dans la voiture quand on nous emmène. Enfin, j'ai une voiture, c'était à peine une voiture qu'on avait. C'était une calèche, vous. C'est une voiture, mais il n'y avait plus de moteur. Donc, Oui, voilà. Bah, vous faisiez semblant, en fait. Bah non, parce qu'on avait enlevé la plaque du sol avec nos jambes. Ah oui, on touchait le bitume. Comme une sorte de pédalo terrestre, en fait. Un pédalo, bah voilà, on était précurseurs. Un pédérestre. Très bien. Mais bon, moi, j'ai des bons souvenirs, à part un peu d'ennui à l'école. Sinon, j'ai plutôt des bons souvenirs. Parce que vous aviez des facilités aussi. Pas vraiment. C'est vrai, ça, en plus. Des difficultés. Vraiment. Des grosses difficultés. À partir du moment où on fait 12 fois son CE1. Ça va, c'est pas... moi je suis pas dans le jugement encore une fois, mais 12 fois son CE1 ça reste correct. Hein. Bah, vous voyez, maintenant que... vous avez une situation très agréable, oui. Voilà, tout se passe très bien. Est-ce que, et vous, enfin là du coup ça se passe bien, est-ce que vous êtes heureux dans la vie? Première question. Est-ce que t'es heureux bonhomme? T'es heureux bonhomme? T'es heureux dans la vie? Ouais, et ouais ça va. C'est vrai. Ah oui d'ailleurs j'ai une petite question à vous poser, qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant? De quoi? Le droit de faire quoi? Ouais. Oh, c'est quoi? C'est une parole de chanson? Je connais pas. Bah, je... vous avez aucune référence? Bah non, Patrick Bruel. Ah, bah non. Putain, moi je le connais qu'en tant qu'acteur. Hein. Ouais. Le brio. Il joue pas dans le brio. Oui, je sais. Le prénom. Ah oui. Tout ce qui commence par le. Ouais, le. Voilà. Le grand vadrouille. Le grand bleu. Mm. Le Père Noël est une ordure. Ouais. Voilà. Le train sifflera trois fois. Le oui. Bah voilà, on va s'arrêter là, je pense, parce que on va s'arrêter là. Jean-Pierre, moi, je voulais revenir sur un truc. Pardon, allez-y, excusez-moi. Non, allez-y. Vous allez dire ah, non. Moi, j'allais rentrer dans le lard. Bah, moi, j'allais demander les coups de cœur, un petit peu les petits coups de cœur. Ah bah voilà. Bah on y vient. Et bah moi, je voulais vous reparler de Happy. Ah oui. Donc je vous avais parlé la dernière fois, la semaine dernière. Bah, je vous déteste. La dernière émission, on avait parlé de Happy, la série ouais. Netflix. Pardon. La série Netflix dont vous m'aviez parlé, tirée d'un comics. Dont je vous ai passé mes identifiants d'ailleurs. Netflix. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors faut savoir que même j'ai accès à Netflix grâce à Richie Booz, parce qu'il m'a généreusement offert ses identifiants. Bah, avant j'avais des identifiants à une autre personne et depuis on s'est embrouillé, c'était ma mère. Ouais. Et du coup maintenant je préférais les donner à vous. J'en viens. À vous, Jean-Bier. À vous, Jean-Bier, à vous, l'antenne. Et du coup, Happy, j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça bien. Ah oui, genre, pas plus que ça, quoi. Bah, alors, ça, vous êtes blasé, vous. Non, non, eh. Parce qu'il n'y a pas Timothée Hochet dedans, c'est pas sorti sur YouTube avant, donc ça y est. Flaubert ou Timothée Hochet, moi, je suis la génération YouTube. Robin Williams. Mais oui, très bien, la pâte à proutes verte, là. C'était génial, celle-là. Non, j'ai bien aimé. Après, je trouvais qu'il y avait des scènes qui se tenaient, qui étaient un peu bancales par moment. Oui. Genre des résolutions de situations qui étaient un peu bon, voilà, facile. Et vous avez dit qu'un ami imaginaire, c'est pas tout à fait possible. Non, mais même, mais pas que ça. Mais même, par contre, j'ai trouvé le personnage, le grand méchant, on va dire, vraiment. Enfin, ah, pas oui, le oui. grand méchant, mais le Père Noël dont vous parliez. Ah, le Père Noël, moi je croyais l'autre méchant qui est un peu le l'homme de main, là, dont ouais, on non. découvre à la fin. Ouais, lui, non, mais vraiment le Père Noël qui était bien ouais. fait. Et surtout la voix. Du Père Noël qui fait vraiment peur et... ouais il est mais même toute la gueule et... enfin vraiment je trouve cet acteur les personnages ils sont quand même cool quoi si, les personnages j'ai eu un peu plus de mal avec notamment toute la partie avec la sœur du grand méchant donc pas le Père Noël mais celui qui a embauché le Père Noël ouais pas trop rentrer dans les détails pour les auditeurs qui l'ont peut-être pas vu réalité ou ouais voilà et ça tout de quoi on parle en ouais fait. Et puis je trouvais qu'est-ce que ça vient foutre là c'était pas très intéressant en fait juste de maltraiter le présentateur parce que du coup des fois il se prend des pains dans la gueule et voilà oui vous aimez pareil c'est encore quelque chose qui évoque chez vous on parlait de la rentrée tout à l'heure c'est... que vous désolé non mais en tout cas moi c'est une série je conseillerais vous êtes non, pour dire si, que j'ai des coups de chiottes ça reste une bonne série après voilà je vous dis il y a des trucs qui m'ont moins plu mais ça reste une bonne série et encore une fois je trouve que la petite licorne est quand même vraiment cool elle est mignonne et puis l'incrustation dans le décor réel on va dire est vraiment bien foutue donc non c'est bah, cool depuis Roger Rabbit on n'avait pas vu si bien fait hein. Bah Space Jam encore une fois j'en reparle hein, régulièrement mais et voilà ah, autrement autre... j'ai rencontré bon pas du tout en fait parce que c'est un dessin animé Archer mais je veux dire je viens ah de oui, connaître oui. mais parce que c'est vieux en fait c'est excellent mais je connaissais pas du tout et donc une série d'un espèce de James Bond complètement badant fils à maman en gros naze. C'est comme si James Bond c'était le fils de M dans voilà du c'est MI6 ça. Et voilà qui fait que picoler se taper des meufs non, elle est exceptionnelle voilà. cette série et elle est très très bien les dialogues ils sont trop drôles les situations sont trop débiles et c'est ah vraiment oui cool. C'est très drôle ouais. Ouais. Mais il y en a beaucoup de saisons maintenant moi j'ai 4 ou 5 je crois un truc genre. Ah ouais je pensais qu'il y en avait même plus non c'est à peu 800, près 800 je croyais moi. Bah 4 ou 5 c'est vraiment ouais, pas c'est loin dans vous voyez là, mais, mais voilà c'est dans ces eaux là ouais. Et puis mais après j'arrête hein, mais voilà ah mais non mais c'est toujours un bonheur de vous entendre parler de tout ça chacun désenchanté de la nouvelle série de Matt Groening ah ouais Mylène Farmer futur c'est une chanson de Mylène Farmer génération des échantillons Mylène Farmer allez non la nouvelle série de Matt Groening oui. Papa des Simpsons et de Futurama ouais. Et qui est cool c'est bien ouais c'est des épisodes de combien de temps parce que j'arrête pas de voir partie 1 partie 4 non partie... c'est 20 minutes comme ouais. Simpsons ou Télérama ouais ouais pareil Futurama Futurama sortir 3F 3F à Futurama non c'est pas mal avec une héroïne déjà c'est une héroïne c'est pas un héros et voilà qui vit dans qui est la princesse d'un royaume en fait avec le père donc qui est roi et qui elle s'en fout complètement de ça qui vit avec un espèce d'elfe troll chelou et avec un espèce de mini démon qui a plus une gueule de chat que démon et qui est toujours représenté en 2D, je sais pas pourquoi. Enfin, pas en 2D, mais de profil, tout le temps. On ouais. voit jamais de face. Voilà, c'est un parti pris. Mais il y a Krusty... Krusty le clown dedans ? Non. Par contre, il y a Professeur Zoidberg qui fait des apparitions complètement impromptues. Sympa. Et voilà, qui fait que picoler et puis qui se met du coup dans des aventures un peu voilà, en mode Donjons et Dragons ou Donjons de Nihilbuck plutôt. D'accord. Ou Munchkin Donjons et Dragons. Voilà, on est un petit très peu bien. Dans cet univers là. Voilà. Donc j'ai trouvé ça cool, c'est cool. Après, ça reste vachement dans toute la thématique. Enfin. Ouais, tout le délire à Simpson, Futurama, mais c'est plutôt sympa. Oui, bah, c'est ancien. Après, attend, voilà, hein, c'est forcément, ouais. Donc voilà, moi, c'était les deux trucs dont je voulais vous parler. J'ai découvert ça, donc, notamment grâce à Netflix. D'accord. Après, il y a le stand-up d'Anthony Jeselnik aussi, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ah, je l'ai pas très, vu. Très, bon, très, très bon stand-upper américain qui a la gueule de Dexter Morgan et les blagues un peu de Dexter Morgan aussi. D'accord. Et voilà, je vous le conseille. Non, et vous alors ? C'est le stand-up que j'ai vu, c'était Anna Gradsby, mais bon, tout le monde en a parlé. Ah, Ninette. En a parlé, voilà. Ah oui, mais par contre, un bijou. Un bijou, ouais. Un bijou, c'est vrai que c'est très très bien quand même. Ouais. Mais j'ai préféré moi le dernier Gad Elmaleh quand même. Bah non, mais évidemment, parce que Gad Elmaleh c'est le patron. Oui, bah c'est le taulier. Voilà c'est le Gad Elmaleh. Il s'est inspiré un petit peu quand il fait son sketch sur le blond là. Oui, j'ai trouvé aussi pareil le truc sur l'avion. Je me suis dit, ouais. Ah, on a déjà entendu ça quelque part. Bah oui, mais bon, c'est normal, elle s'inspire des plus grands. On peut même pas lui révéler son homosexualité et tout. Et là, bon, hein, ouais. Gad l'avait déjà fait avant. Oui, quoi. Bah ouais. Il avait fait quoi. Frédéric Lopez l'avait fait bien avant. Rendez-vous en terrain connu. Ouais. Il l'a fait. Je sais pas. Ok. Écoutez très bien. Alors moi j'ai un gros coup de cœur. Allez-y. Un gros coup de cœur. Je vais parler d'une bande dessinée. Oh, dis donc, que vous sortez caché derrière votre dos. Allez. D'ailleurs, moi, je vais vous la donner pour que vous la feuilletiez. Mais vous n'en avez pas déjà parlé. Alors, moi, je vous en ai déjà parlé à vous. En émission 6, ça, non? Je vous en ai. Ah, mais oui, mais vraiment, en plus. Non, je vous en ai déjà parlé à vous, je vous l'ai déjà montré. Mais j'en ai pas parlé dans l'émission parce qu'on n'avait pas eu le temps. Je voulais le faire à d'autres émissions, puis ça s'est pas présenté, c'est donc je vais en parler quand même. Quelque chose. Donc allez-y, moi je feuillette en attendant. Bah, je vous en prie, faites-vous plaisir. Cette bande dessinée nous raconte l'histoire d'un... Il y en a 7 en plus. Oh non. Pardon, excusez-moi. On avait dit qu'on arrêtait, ouais, c'est avec les conjonctions de coordination. Franchement, je vous donne pas plus de 20 minutes avant de faire ce genre de truc. Mais ok. Allez-y. Ouais, vas-y, même pas, de toute façon. De top. Donc, c'est une BD qui s'appelle Charlie Chan Ok Chai, une vie dessinée. Ok. Ça nous raconte l'histoire d'un dessinateur singapourien qui est né en 1938 et qui est auteur de bande dessinée depuis l'âge de 16 ans. C'est le vieux qu'on voit là. C'est le vieux qu'on voit. En fait, il a 70 ans dans l'histoire et il revient sur 50 ans de carrière. Ok. Et donc, c'est en fait toute une histoire qui est fictive. C'est-à-dire que l'auteur qui a écrit cette histoire, qui s'appelle Liu Sunny, ouais, a en fait inventé toute cette histoire d'un dessinateur qui aurait 70 ans à Singapour, qui raconterait toute sa vie. Donc c'est un espèce de faux documentaire. C'est une fausse biographie. Une espèce de Guy, quoi. Le film d'Alex Lutz. Oui, oui, bah oui. On est un peu là-dessus. Mais il est maigre ou il est gros, Guy? Voilà. Bah, j'avais dit 20 minutes. Vous voyez, j'étais vraiment... Je vous ai sous-estimé. Donc en fait, le principe, c'est qu'on nous raconte cette histoire de cet homme qui serait un pionnier de la bande dessinée à Singapour. D'accord. Et qui aurait passé 50 ans de sa vie à développer son art, etc., sous le regard des critiques, et à faire un art un petit peu contre le pouvoir, etc. Donc, le militant. Voilà, l'auteur réel, Lion Sony, qui n'est pas très vieux, qui doit avoir une quarantaine d'années, mm-hmm, lui, du coup, a pu recréer toute l'histoire de cet homme en faisant ses dessins d'enfance, en faisant ses premiers travaux, qui ressemblaient à des comics, en faisant d'autres choses. Et en fait, ce qui met sur le cul quand on lit cette BD, c'est qu'il y a 15 styles de dessin. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir, en fait. Que dire, le gars invente en racontant que c'est toutes les phases artistiques de ce gars, quoi. En gros, il raconte l'histoire d'un faux dessinateur. Voilà, qui a traversé, en gros, dont sa vie a traversé les l'évolution époques, de Singapour. Et que, en fonction des différentes étapes de son travail, voilà, il a des styles de dessin différents. Et on peut vraiment lire ça comme une biographie et sans se rendre compte que c'est en fait une biographie fictive. Pas, et ce qui est passionnant, c'est que ça a réellement... ça a réellement critiqué aussi toute l'histoire de... Ça amène un point de vue critique sur l'histoire de Singapour. C'est-à-dire qu'il en profite pour raconter l'histoire de Singapour, les changements politiques, les alliances politiques, les manifestations qui ont été réprimées dans le sang, etc. D'accord. À travers ça, et ça a été... ça a réellement mis l'auteur du Kisoni Liu dans un problème. Ok. Puisque le gouvernement de la République de Singapour lui a retiré son aide par rapport à la sortie de cette BD, donc... Il a retiré son aide. Son aide. Ah oui, pardon. Ok, je trouve c'est un peu c'est radical. C'est sévère, mais bon, c'est sévère, mais juste. Oui, votre aide. Et ben, hop, plus d'aide. Mais voilà, en tout cas, ça montre qu'il y a encore des problèmes là-bas. Et... Enfin, oui. C'est une BD assez dense quand même. C'est chez Urban Graphic. C'est un bon pavé, ouais. C'est sorti au début de l'année 2017. Oui, c'est un bon pavé. Puis surtout, c'est assez dense aussi au niveau des thématiques. C'est assez politique, etc. Ouais. C'est pas la petite BD qu'on va... C'est pas du DBZ, quoi. Qu'on va dévorer dans les toilettes. Mais en tout cas, au niveau du travail, ne serait-ce que du travail graphique, c'est assez impressionnant. Ok. Donc, voilà. Et bah, d'accord. Bah, écoutez, je retiens. Est-ce que vous voulez redire le titre parce qu'il est un peu compliqué? Charlie Chan Ok Chai, une vie dessinée. Voilà. Bon, bah, déjà, rien qu'en tapant ça, je pense qu'on peut la trouver. Exactement. Moi, j'ai toujours été partagé. Alors maintenant, beaucoup moins. Maintenant, c'est même un style que j'apprécie. Mais toujours été partagé sur le côté faux documentaire, en gros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, il y a quelques années, j'avais vu l'histoire d'un DJ, un disque jockey. Oui, un disque jockey, ouais. Pas celui qui fait le cheval, vraiment le musicien. Ni le jus d'orange. Ni le jus d'orange non plus. Mais ouais, c'était bien ça. Et qui devenait sourd, en fait. Ah ouais. Et au début du film, c'était marqué « Ceci est basé sur une histoire vraie. » Donc vraiment, on faisait tout pour vous faire croire que c'était une histoire vraie. Et sauf qu'en fait, bah, quand on regarde un peu plus sur Internet et tout, on se rend compte que non, c'était totalement une fiction. Et du coup, j'avais toujours ce sentiment où je me sentais un peu trahi. D'avoir été biaisé. Ouais, c'est ça, d'avoir été trahi, d'avoir cru un truc en fait qui n'existait pas. Vous avez dit quoi? Biaisé, mais c'est pas le mot. Ouais, non, ça marche pas. Du coup, là, je vais parler... Ah, t'es baisé, pardon. Ah ouais, voilà, d'avoir été... Exactement. Pas à confondre avec la ville. Et du coup... Robert Ménard. Bah, Robert Ménard, évidemment. Et donc voilà, mais en fait, maintenant, je trouve que c'est vraiment bien, parce que, comme vous le dites, ça permet dépend de... comment c'est fait. C'est-à-dire déjà, quel intérêt ça permet de faire passer quoi. Plein de messages, en fait. Oui. Voilà, et en plus, ça dépend comment c'est fait. Aussi. Non, mais enfin, la performance que c'est pour un dessinateur de se dire, bah, je vais raconter 50 ans de carrière d'un homme et l'évolution graphique qu'il a eu. Là, c'est vraiment fou parce que oui, il y a des dessins d'enfance, quoi. Il y a tout quoi. Oui, parce que là, du coup, en feuilletant rapidement, on voit soit des trucs assez grossiers, soit des portraits hyper détaillés. Il y a des portraits vraiment un peu à la peinture à l'huile. Il y a des dessins d'enfance, il y a toute sa période cartoon, plutôt cartoon, il y a sa période comics où il, dans l'histoire, il essaye un peu de s'inspire des comics américains pour faire des personnages. Et c'est en one shot ou c'est une série? C'est en one shot. Ok. Ouais. Non, non, c'est, ça raconte cette histoire-là. En tout cas, bah, voilà, on est bientôt à l'époque de Noël, donc ça peut être une très bonne idée. Bah oui, pour bientôt, ouais, dans quelques semaines. Ouais, ouais, bon, quelques, voilà, en 40 semaines. Ouais, en bon 4 mois, quoi. Ouais, voilà. Bon, à peu près, quoi. On n'a jamais été aussi proche de Noël. C'est vrai, à part peut-être maintenant. Voilà, autrement. Vous êtes en forme, Jean-Bien. Oh, je, oui, je pense que nos auditeurs se régalent. Ah bah, j'espère bien. Avec nous, c'est culture avant et bonheur. Tout. Oui. Et est-ce que vous avez autre chose à rajouter? On fait moi, sur pause, tout ce qui est coup de cœur et tout, pour l'instant, non, ça va. On fasse une petite pause. Ah bah, pourquoi pas, allez. C'est très bien. Bisous. Bisous. When you try to be fun, to be pleasant, to be shy, to be selfish, to be kind, you so sad. When you want to be smiling, to be stressed, to be daring and reckless, every time you so sad. Every time is a pleasant show. Je sais pas, j'improvise. Non, mais allez-y. Hein. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'était, j'avais bien aimé ce morceau. Ah la oui. La parole était chouette. D'ailleurs, je tenais encore à vous. Oh la vache. À vous féliciter. Parce que je le fais pas souvent. Mais par exemple, notamment les morceaux de l'épisode numéro 15. De la, la station numéro 15. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai. Oui, ça vous a beaucoup plu. Aimé. Ouais. Et j'ai. Alors, bon, j'arrête de vous le dire. Hein, mais je veux que tout le monde sache que je tanne Richie Booz. Parce que c'est lui l'auteur, compositeur des interviews. C'est vrai, c'est vrai. Pour qu'il les extresse, qu'il les... Oh ouais, c'était pas beau, ça. Ouais, les extresse et que je les mette dans mes cheveux. Ouais, c'est ça. Extresse, voilà. Non, mais pour les séparer. Mais on et prépare un gros coup. On est sur le dossier. Bon, bah, les auditeurs espèrent vraiment. Parce qu'on bien sûr, on a souvent des réclames. Hein, je vous les envoie à chaque fois parce que c'est vous l'auteur, donc c'est normal. Voilà. Et en tout cas, dans la 15, c'était cool. Notamment le petit morceau hip-hop, là, que j'ai beaucoup aimé. J'avais le hip-hop céréalier. Exactement, le hip-hop céréalier, et voilà, j'aurais eu envie que ça continue. Ah oui, parce mais il n'y avait plus d'idée de céréales, en fait. Non, mais après, voilà, mais en tout cas, très bon redeem, comme disent les Jamaïcains. Merci, écoutez, vous êtes, normal, vous êtes bien gentil avec moi. On rend à César ce qui appartient. Alors, du coup, en termes de sommaire... Ah oui, qu'est-ce qu'il va y avoir de beau? Moi, je peux vous le dire, il y aura un maxi pitch de ma part. Ah bah oui, mais ça, forcément. Moi, il y aura un petit oh, je ne sais pas comment présenter ça. C'est à la fois un documentaire que j'ai vu, mais ça parle aussi d'une thématique qui m'intéresse. Bah et allez-y, voilà. Faites-le. Maintenant ? Oui. À chaque fois, je commence un sommaire et vous me dites faites-le. Du coup, je termine jamais mon sommaire. Parce que je suis par l'odeur alléché. Bah oui, je sais. Du coup, après, je termine le sommaire quand même. Après, j'enchaîne. Après, il y aura un petit son du turfu. Ouais. Et après, il y aura une petite interview de vous. Ok, voilà. Merci. Je vais vous interviewer, je suis vachement en mode interview en ce moment. Ouais, du coup, c'est une passion. Ouais, ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Ça marche ? Bah ça marche. Est-ce que vous voulez que je commence ? Non. Ok, et eh bah allez-y alors, je vous en prie. Alors je vais faire le maxi pitch alors. Ok, très bien. C'est vrai ? Bah, ouais, j'y vais, je suis chaud. Ouais, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. En plus, le maxi pitch, je suis très heureux de le faire. Ah, pourquoi ? C'est je sais en pas, particulier je suis content de faire ce film, ça me fait... Voilà, j'avais hâte de le faire. C'est un film que vous aimez bien ? Ah oui, c'est un film que j'aime bien. Non, enfin, c'est un film que j'aime bien parce que ça fait un bon maxi pitch, mais après, le film en lui-même, je vous laisse peut-être... C'est un film que vous avez vu plusieurs fois, je veux dire. Oui. D'accord. Bah déjà au moins une fois avant, puis une fois pour refaire le maxi-pitch, pour redire les scènes, on est un peu obligé. Très bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts? J'arrive jamais à savoir du coup si c'est vrai ou si c'est faux. C'est horrible. Maxi-pitch. Donc est-ce que je peux vous donner le titre pour commencer? Oui, allez-y. Ça s'appelle Les gousses d'ail, c'est bon pour la santé. Alors, est-ce que vous pouvez juste me passer la clé web pour que je me connecte à Internet? La clé web? La clé web. La clé web. Pourquoi? Pour aller vérifier? Bah ouais. Bah non, y a pas le droit. D'accord. Allez, c'est bon, ça passe. Les gousses d'ail, c'est bon pour la santé, d'après vous, avec un titre comme ça, c'est un film bah, de moi, quel... j'ai envie de dire que c'est faux, mais du coup, j'ai envie de dire que c'est vrai. Mais non, côté... je veux dire, c'est un film de quel pays? Ah, pardon. Ça, on verra à la fin si c'est vrai ou faux. C'est un film de quel pays? Ouais, de quel pays Les gousses d'ail, c'est bon pour la santé. Je sais pas, moi, ça peut être Tasmanie. Bah ouais. Balèze. Non, c'est un film français. Français, avec d'accord. Un titre pareil. C'est un film français de 1980. D'accord. Il dure. Vous aimez bien les durées de films, je le sais. Je veux du détail. Ouais. 1h36. 36 ? Ouais, 36. C'est-à-dire exactement... C'est un faux film. C'est-à-dire exactement la même durée que Le Fruit de la Station numéro 15. Oh. 1h36, pile poil, pareil. À la minute près. Hasard, je ne crois pas. Un peu louche. Je ne crois pas. Désolé. Il a été réalisé par Albert Gavard. Le même réalisateur que Fruit de la Station numéro 15. Il me semble. Par hasard. Vous voulez en savoir un peu plus sur Albert Gavard ou je vais se poser vos questions au fur et à mesure? Non, allez-y, développez. Moi, je... Il a réalisé différents films français, en particulier dans les années 70 et 80. C'est quelqu'un qui est décédé ou... Ah oui, je crois qu'il est décédé, oui. D'accord, ok, très bien. Oui, je crois qu'il est décédé. Ok. Mais j'en suis pas sûr à 100%, je crois qu'il est décédé. Mais okay. S'il écoute... Qu'est-ce qu'il a fait comme autre film, du coup? Alors, il a fait principalement des comédies et il a travaillé en particulier sur des films des Charlots. Il a réalisé des films des Charlots, en particulier le film Les Charlots font l'Espagne. D'accord. Vous connaissez cette série de et films? Eh ben non, pas du tout. Ah non, pas du tout? Non, les Charlots. C'était un groupe de comiques des années 70-80, je crois, okay. Qui faisait plein de films. Il y a eu les Charlots font l'armée, je crois qu'ils vont au service militaire, Charlots font l'Espagne, etc. Les Charlots font du ski, non, y a pas eu les Charlots 3. Non mais voilà, mais c'était, bon un peu, bah c'était un peu le voilà les trucs d'avant quoi, le splendide d'avant. Voilà. Ok, d'accord. Donc c'est un film avec Jean Lefebvre. Jean Lefebvre, ok. Vous voyez Jean Lefebvre. Je situe Jean Lefebvre. Bon, ouais. Gérard Hernandez, Marcia Baldani et Carole Flavien. Les trois autres par contre non. Alors donc j'ai choisi un film sur les vacances. C'est un film estival comme ça. Ça nous fait gagner un petit peu. Mais c'est oui. La rentrée. Eh mais c'est l'été indien. Hein. Ça nous fait ouais. Ça nous fait gagner un peu de soleil, mais un petit peu de vacances. C'est sympa. C'est toujours zizi. Et donc on va commencer par raconter un petit peu l'histoire de ce film. Allez, vous en avez envie. Vous êtes un gourmand. Ah, oui complètement. J'aime bien décrire les scènes d'intro. Ah j'ai ok. Toujours un petit peu. Oui. Ouais. Vas-y. un petit peu le parfum du film. Donc débute sur un départ en vacances dans la maison de Jean Lefebvre. D'accord. Ils habitent visiblement en Île-de-France. Ils ont une petite maison coincée entre des barres d'immeubles. Un petit peu. Ouais, donc c'est pas Paris, c'est. Non, mais on sent que c'est voilà banlieue pas ouf. Pas ouf, ouais. Voilà. Et donc il s'appelle comment ce petit Jean Lefebvre dans le film? Il s'appelle Eric. Eric. Et il est surnommé comment? Ah oui, non, ok. Riton. Riton, bah oui, etc. Il s'appelle Riton. Et en fait, tout le monde l'appelle Riton dans le film. Donc, j'ai plutôt déterminé qu'il s'appelait Eric, mais il ne l'appelle que Riton. D'accord. Donc, je dis, mais Riton, normalement, c'est Eric. Qu'est-ce que ça peut être, de toute façon, si c'est pas Riton? C'est rien. Enfin, si c'est pas Eric, je veux dire. Je crois que c'est peut être que Richard. Riton. Richard, ça marcherait? Mais non, ce serait Riri. Non. Et donc, il est avec sa femme, qui s'appelle Catherine, et sa fille, qui s'appelle Lily. Et c'est l'effervescence dans la maison. Tout le monde crie, tout le monde bouge. C'est sur fond de musique dans la scène d'intro. Et un petit peu comme normalement J'ai raté l'avion au début. Voilà, ça crie à la musique. Non, et la valise, et où sont mes chaussettes, et mon parasol, et machin bidule chouette. Ouais. Machin bidule chouette, ça c'est bien ça pour le jeune public. Là, pour les teenagers. Bah, ça rappelle un peu, voilà. C'est un peu swag. Et donc, ils par contre, chaussettes, parasol, on est sur quelle saison là du coup? Ça se passe à quelle période? Ah, c'est l'été, ils partent en vacances d'été. Ah, oui, d'accord, ok, ça marche. Chaussettes. Ah oui, c'est vrai, remarquez. Et donc, c'est toujours sur fond de générique, mais bon, tout va bien, tout le monde monte en voiture et c'est parti pour le tour des plus belles départementales de France. Ah, bien. C'est parti pour les vacances. D'accord. On comprend que c'est une famille qui est pleine d'amour, qui s'aime bien, mais première petite ombre au tableau, pardon, la petite famille se clash un peu en voiture. Oh. Riton qui conduit, un petit peu fatigué de conduire, il en a marre, surtout que sa fille qui est une ado, elle a 14-15 ans, passe son temps à râler. Alors ils sont trois. Ils sont trois. Mais il est lui, sa femme et leur fille. D'accord. Et elle colle son chewing-gum sur le siège et tout. Oh, c'est des mandales, ça mérite. Enfin bon, bref. Elle a envie de faire pipi, etc. Et en plus, on sent là, sa femme, Catherine, n'arrête pas de baisser le petit miroir de son côté pour se remaquiller, etc. Lui, là, mais dites-moi où tourner. Personne ne regarde, tout le monde s'en fiche. Ah ouais, le mec est seul, quoi. Ouais, du coup, ça le rend triste, le petit Riton. Oh, et on bichon. On comprend, oui, le c'est petit normal, Riton. C'est normal, face à la Il passe son temps à dire « Oh là là là là, c'est pas là, pas là. Je l'ai pas. Et ben voilà, réaction exact que j'ai eu en regardant le film, et il le dit plusieurs fois, et j'ai dû mettre les sous-titres du film pour comprendre qu'il disait en fait « Oh là là là là, c'est pas la paella ». C'est pas la paella ? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cru comprendre qu'il se rendait en Espagne et qu'il dit qu'ils sont pas encore arrivés à bon port, qu'il dit « Oh là là là là, c'est pas la paella », quoi. C'est pas « Oh là là là, là c'est pas la joie, c'est « Oh là là là, c'est pas la paella », parce qu'ils vont en Espagne. Là, c'est l'interprétation que je vous fais du film, c'est mon analyse de cette phrase, grâce aux sous-titres, quoi. Qui disent vraiment oh là là là c'est pas la paella, mais on entend oh là là là là c'est pas la paella. Ok, bah, d'accord. Bon bref, je passe. Ils se sont. C'est bien ce petit détail quand même que vous rajoutez. Ah bah là. C'est important. Non, c'est normal. C'est, bien. C'est ce qui m'a fait rire. Bref, d'accord, oui, bah ça, ils se sont arrêtés faire une pause pour que Lily fasse enfin pipi. Donc là, ils ont dû arriver, on va dire, un petit peu près, dans la Beauce. Dans cette, c'est une région un petit peu isolée, un petit peu campagnarde. Ouais, bah c'est possible. Elle va faire pipi dans une petite auberge. On a une scène un petit peu rigolote, selon l'humour de cette époque, où il y a tous les paysans qui la regardent un peu. Ah, un parce que bah oui, elle a 14 ans et tout, c'est elle normal. Elle est un peu aguichée, ils sont là, dis donc, dans les toilettes. Il y en a un qui essaie de regarder par-dessus, il y a le patron qui fait « Oh, dis donc, arrête », etc. Puis bon, bref, elle finit par retourner dans la voiture. Ah oui, c'est bonne ambiance quand même. Bonne ambiance, ils reprennent la route. La Beauce, hein. Ils reprennent la route. La musique, n'hésitez pas à m'interrompre pour me poser des questions. Non, mais encore une fois, vous savez, mais ça devient tellement de plus en plus dur de savoir. J'essaye de capter dans votre regard, dans vos intonations et tout, mais c'est difficile. Ne soyez pas timide, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser. Mais qu'est-ce qu'ils vont foutre en Espagne? C'est juste les vacances, point barre. Bon, moi, ce que je veux savoir, c'est quand le film. C'est quoi l'élément déclencheur? Parce que là, pour l'instant, c'est l'intro. On y arrive. Pour l'instant, c'est l'intro, en effet, l'élément déclencheur, et il va pas tarder à arriver. Ok. Ils reprennent la route, la musique reprend dans le film, et ils trouvent. Et là, d'ailleurs, l'élément déclencheur arrive, ils trouvent une petite clairière où ils décident de pique-niquer. Simplement. D'accord. Parce que là, ils sont partis assez tôt, ils décident de pique-niquer. Une clairière dans la Beauce ? Bah, ils ont pris la voiture entre les deux. Je sais pas s'ils sont. Je sais même pas s'ils étaient dans la Beauce au début. C'est vraiment pour vous interrompre parce que. Je suis même pas sûr qu'ils étaient dans la Beauce au début. Il y a en pas tout de cas, problème. Soyez rassurés, l'élément perturbateur arrive. Donc, ils s'installent pour pique-niquer. Ok. Ils étendent une jolie nappe, ils sortent le pâté. On est sur un pique-nique classique, nappe ouais, à carreaux rouge et blanche. Rouge, petit panier en osier, etc. Voilà. Ils sont bien, ils sont tranquilles. Vin rouge, d'ailleurs, Riton commence à boire quelques verres. On se doute qu'il va reprendre la route dans une demi-heure. Oui, mais à l'époque, ça choquait pas. À l'époque, c'est pas un pas problème. Dérangeant, ça. Et alors que pendant ce qu'ils installaient tout, Lily, la petite fille, était partie se balader. Ouais. Elle est revenue avec dans les mains une gousse d'ail. Enfin, pas une gousse d'ail, une. Il y a plein de têtes d'ail en fait. Oui, une tresse d'ail. Bah, une grappe. Une grappe ou une tresse d'ail. Comment vous dites ? Une tresse. Une tresse d'ail. Non, peut-être pas. Non, enfin voilà, pas, il y a plein de têtes d'ail accrochées ensemble. Ce que dire, Elle les montre à ses parents et ils disent « Ah oui, ça va être une bonne idée pour la salade, c'est sympa. » Et là, on comprend le rapport avec le titre. Là, l'ail, c'est bon pour la santé. Ouais. L'ail arrive dans le film. Oula, mais ça a l'air palpitant, dites-moi. Mais attendez, vous allez voir, c'est vraiment palpitant. C'est vraiment palpitant. Et pendant qu'elle dit ça, pendant qu'elle leur montre l'ail, on comprend qu'elle est observée. Grâce à un effet de caméra qui a fait ses preuves. Ouais, c'est-à-dire un peu dans les fourrés. Dans la trace des jumelles sur l'écran. Ah oui, carrément. Voilà. Ouais, qui a fait ses preuves. Ouais, qui va là, on croit qu'elle est observée par les jumelles. Et il s'agit d'un homme à moustache qui, au loin, a vu la jeune fille voler de l'ail dans son champ. Ok. Et qui observe avec ses jumelles. Et cet homme est joué donc par Gérard Hernandez. Vous voyez, d'accord. Gérard Hernandez. Gérard Hernandez, non. Il a une grosse moustache. Moi, Gérard Hernandez, c'était un chanteur, mais je le confonds avec. Mais ici, il s'appelle pareil, c'est qui chante Born to Be Alive, là. Ouais, bah peut-être. Et c'est pas Thierry Hernandez, je crois. Ouais, non, mais c'est juste Hernandez. Il a une grosse moustache, il joue dans plein de films, il joue dans Scène de ménage actuellement. Oh. C'est le vieux. Ah, c'est le vieux dans Scène de ménage. Ah, j'aime bien sa gueule, mais il a fait du doublage aussi. Il a doublé dans Merlin, il double Archimède, le hibou. Ok. Voilà, par exemple. Est-ce que je peux passer juste un coup de gueule contre Scène de ménage? Ah, bien sûr, oui, c'est le moment. Bah, c'est de la merde. Voilà. C'était mon coup de gueule contre Scène de ménage. Et idem pour Soda. Il fallait que ça sorte. Bah, il s'est fait écouter. Voilà, non, mais c'était juste ça, mon petit coup de gueule. Quoique de temps en temps, un petit soda avec des glaçons, ça ne fait pas de mal. Oh, bah, cool. Donc, le gars est très énervé par ce vol d'ail. Ouais, bah, on comprend quand même. Donc, il court. Ouais. On va comprendre. Ah, ça dépend s'ils sont un fusil ou. Ah, il court. Oula. Et vous êtes. Je l'ai vu. Il court vers. C'est vrai ? Non. Il court vers la gentille petite famille. Ah, c'est mon angoisse qu'un jour ça arrive, forcément. Mais oui, je sais bien, mais là, vu que ça va arriver. Ça va arriver. Mais pas sûr, parce que je mette pas trop de nanarmes. Il court vers la gentille petite famille pour régler ses comptes, justement. Ah oui, carrément. Et il est armé d'un fusil. Il braque la famille. Riton lève les mains et est terrorisé. Il en fait tomber son pâté. Oh. Et la famille est paniquée. Le père essaye d'intervenir, mais le paysan, qui s'appelle Monsieur Robineau, demande des explications. Très bien. Comment se fait-il qu'on vole quelque chose dans les champs? Depuis quand c'est les Parisiens qui viennent voler? Voilà, ah oui, voilà, à ce côté. Ouais. Gros s'embrouille. Et pendant ce temps-là, moment un petit peu gênant, il continue, tout le monde est un peu paralysé par la peur, avec le canon de son fusil. Ouais. Il soulève un petit peu la robe de Lily. Un petit oh peu non. Doucement, pas, il soulève pas entièrement, mais il commence un petit peu à. Ouais, taquiner quoi quand même. Taquiner le haut robe, du cuisse. Robe, pour le détail, encore une fois, en dessous ou au-dessus du genou? Au genou, je dirais. Au genou. Genre au milieu quoi. Ouais, voilà, là, au niveau du genou. Il tape pour les réflexes là. Bah, voilà, exactement, okay, pile. D'accord. Ouais, donc ça va, pile. ça va. Pile au niveau du genou. En faute quoi. Et donc à ce moment-là, il leur dit, Riton essaie de s'expliquer, mais excusez-nous, on savait pas, on est juste des vacanciers, on va en Espagne, etc. Donc ah oui, il annonce son projet. La paix est là. Et lorsqu'il dit ça, on sent que Monsieur Robineau, le paysan, ça a l'air de vraiment l'intéresser. L'Espagne. Ouais, et okay. Vous allez en Espagne, et là on a un gros plan sur le visage rougeau de Robineau. Qui a vraiment de faire Espagne. Intéressant. Il a pas été là. Et c'est la première excellente blague du film. Ouf. Première d'une longue série. Puisque Monsieur Robineau, il dit aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. il explique qu'il il a l'air cool ce film quand même. Il explique, mais il fallait demander, c'est pas grave, on va pas s'embrouiller pour deux tatodas, you know. Okay. Dans la Beauce, ils ont l'accent un petit peu du sud. Ouais, apparemment, ouais. Parce que là, on est toujours dans la Beauce, du coup. Okay. Ils rigolent un peu. Non, on est vraiment, pour le coup, beaucoup plus au sud, parce qu'ils ont tous l'accent, on va voir par la suite du film, là okay. Où ils en sont, en tout cas, ils ont commencé à avoir l'accent. Très bien. Ils rigolent un bon coup, il leur dit que c'est trop bête de manger dehors comme des romanichels, dans le français, dans le texte, encore une fois. Oui, oui, non. Et qu'il les invite à venir manger chez lui, au village. Donc pas... là, on peut se dire très intriguant ce changement de oui, comportement. Oui, voilà, il y a eu un switch total dans l'énonciation de l'Espagne, d'où, pourquoi, exactement. Comment, dans quel but. Alors, eux, ils n'ont pas trop envie parce qu'ils ont de la route, etc. Mais bon, le paysan est très insistant. Puis il a toujours son fusil à la main, donc c'est toujours dans une négociation. C'est un... Ça pèse. Et il leur dit en plus que ce soir, c'est la grande fête de l'ail au village. Oh, bah Dieu, c'est bien, ça tombe bien. Il ne faut pas rater ça. Donc le papariton, il est conquis. Il dit oh, la fête de l'ail, ça te dit d'y aller, maman. Il parle à Catherine. Ah oui, maman. Il s'appelle femme, maman, du coup. Ouais. Ouais. Sa femme, elle répond, ah, bah, c'est du folklore de la campagne, on va y aller, quoi. Ok. Leur fille, bizarrement, Lily, pas envie d'y aller. Ça la branche pas trop. Ça l'a fait complètement ouais. Chier. On comprend. Moi, je me serais rallié du côté après, de Lily. Après, elle a l'air casse-couille aussi. Elle a l'air casse-couille. Tout est chiant. Mais la fête de l'ail, sur la route des vacances, avec Monsieur Robineau, ah, c'est vrai, qui vient te soulever la jupe avec son cadre. Oui, bah écoute, oui, non, mais je comprends. Ça peut en rebuter quelques-unes. Mais bon, bref, ils prennent leur voiture, ils font monter Monsieur Robineau, qui monte à l'arrière avec la petite. Il commence encore à acheter un petit regard un petit peu machin. Ah ouais, quand même, c'est... Et direction le village, où là, c'est un village où il y a de l'ail partout. Et comme Piment d'Espelette, à Espelette, il y a des tresses d'ail, on va dire, qui sont sur les murs, près des trottoirs, accrochées aux maisons. Il y a même une sculpture avec une grosse gousse d'ail, ouais. Avec une fontaine. Ah oui, c'est vraiment c'est le produit city, local. Quoi. Okay. C'est pourquoi, city. Enfin, ouais, pourquoi... Parce enfin, que on va c'est l'apprendre, j'imagine. On apprend que c'est l'endroit où on produit le plus d'ail pour toute l'Europe, etc. Okay. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Mais on comprend dans une scène parallèle que tout ce village est en fait un village fictif, c'est-à-dire un peu avec des faux bâtiments, etc., qui est en fait une sorte de laboratoire ou d'usine secrète qui dissimule de la drogue dans de fausses gousses d'ail. Genre, ils font de la coke, par exemple. Bah, en fait, c'est de la poudre blanche dans le film, mais à aucun moment ils précisent si c'est de la cocaïne, de l'héroïne. De la ou... poudre blanche qu'ils prennent par le nez, mais on ne sait pas si bah, c'est... On voit personne se droguer dans le film. D'accord, on voit juste qu'ils font de la... Et on comprend que c'est de la drogue, c'est parce que drogue, voilà, c'est, drôle. C'est assez enfantin. Il y a marqué « drogue », je crois, sur des pots. TNT. Oui, c'est ça. Mode Looney Tunes, quoi. Et en fait, ils dissimulent la drogue donc, dans des fausses gousses d'ail pour ensuite les faire passer dans des camions. En fait, d'accord. Sur une tresse d'ail, il va y avoir 9... Vrai et un petit ballotin de cocaïne mélangé au milieu, qui est intelligent, mais qui est vraiment fait comme une qui ressemble à une gousse d'ail. Oui, quoi, ils c'est ont pas mis juste la peau d'ail. Ouais, enfin, ils ont fait ça bien. Ils ont fait ça bien, c'est leur boulot. Ils sont là ils sont là à l'année. Oui, ça avait pas mal parce que pour les chiens, du coup, ça leur les empêche peut-être de sentir. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ah bah. Et ils y ont pensé peut-être. Bah, je pense. Ouais. On est fort en France. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On a des colonies, ouais. Et donc Robineau a un plan en fait pour profiter que Riton aille. En Espagne avec sa voiture pour très bon. Faire passer de la drogue. Petite pause, clin d'œil, tout ce que j'aime. Il sait que Riton va aller en Espagne, il va en profiter en fait pour faire passer de la drogue. Voilà. Ok. Et donc il lui dit, Robineau lui dit, écoute, mon petit, j'ai un ami, il va la ville, j'ai un ami qui m'attend à Carabina Cruz. Ville, j'ai pas vérifié, je pense que la ville n'existe pas. Carabina Cruz. À qui je dois livrer oh de l'ail. Là, c'est, ça devient vraiment compliqué. Hein. Mais j'ai un. Non, mais je veux dire, je pense que dans le film, ils ont inventé une ville qui n'existe pas, Carabina Cruz. Ouais. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que ça existe. Mais non, je connais pas. Mais... Et il dit voilà, écoutez, j'ai un problème avec mon camion, vous pouvez envoyer l'ail à mon ami, etc. Voilà. Ouais, on a compris. Il le prend pour une mule, quoi. Voilà. Sauf qu'il ne va pas la mettre dans son nunu. Non plus, il va juste la mettre dans sa voiture pour l'instant. Hein. Donc il est un peu con, Riton. Enfin, il est un peu terrorisé. Il a un peu envie de se barrer il aussi. Il ne sait pas, lui, qu'il y a des petits ballons de coke. Il sait pas, personne ne sait. Il accepte et surtout il a envie de se barrer parce que tous les bandits dans le village commencent à enquiquiner un peu sa femme et sa fille parce qu'il y a que des hommes et on se dit disons ils veulent les deux c'est petites. Bizarre ce village avec que des mecs bah c'est que des bandits donc on se dit que voilà c'est des mecs ils ont pas d'attache ils ont ni femme ni enfant ouais, ils sont là du coup, ils ouais, ont des têtes peu, de bad boy un peu des pirates quoi des pirates de la Beauce quoi et du coup dans la femme et la fille on a plus d'un qui aimerait mettre sa gousse dans leur gigot tu vois ce que je veux dire allégorie culinaire oh oui. Alors ils disent ok très bien on y va, ils reprennent la route vers l'Espagne, ils ont la voiture pleine d'ail, le coffre est rempli d'ail. D'accord, c'est cramé ça déjà. Ah si c'est cramé. C'est cramé parce que c'est pas un camion quoi. C'est-à-dire qu'en effet, on voit des touristes c'est ça français d'Île-de-France, ils vont on va à Barcelone mais par contre on remplit notre coffre d'ail quoi. Bah oui. C'est le trajet ça doit être chiant en plus de rouler les fenêtres ouvertes, ça va dober un peu l'ail. Séché comme ça, enfin pas cuisiné. Ouais si ça doit sentir un peu. Si je pense. Oui, moi qui me brosse les dents au boursin et Fitzherbe. Ça sent un peu barrière là. Ouais, on est loin, on a une vitre entre nous, mais ça sent quand même un petit peu quoi. Du plexiglas. Donc là, ils font route vers la famille, ils sont contents, ils font un peu ouf. On est tiré d'affaires, on a quitté le village des chelous, mais bon, ils ont leur coffre rempli d'ail drogué partout. Et c'est le début de leurs ennuis. D'accord. Alors qu'ils roulent depuis plusieurs heures, bah, le pauvre Iton, il crève un pneu. Qui a pour conséquence bah, évidemment de bloquer la voiture. Et donc Riton il dit bah je vais aller chercher de l'aide. Donc il fait Riton, c'est un gentil brave type. Bah c'est Jean Lefebvre quoi. C'est Jean Lefebvre tout le temps dans ses films quoi, c'est un peu il fait un peu de la peine quoi. Ouais. Donc il fait du stop et il dit bah je vais chercher un garagiste, donc il laisse sa femme et sa fille pour surveiller la voiture. OK. Et il part donc chercher un garage. Très bien. Donc le père veut finir par trouver un garage, il trouve une remorqueuse, il y va avec le garagiste dans la remorqueuse pour rejoindre la voiture, mais pendant ce temps-là, et là on rigole encore un petit peu, la mère et la fille se sont fait à manger. Ah, allez. Et qu'est-ce qu'elles ont pris ? Une des gousses d'ail piégées, évidemment. Bim ! Et donc lorsqu'ils les retrouvent, nous on a vu en scène parallèle qu'elles se faisaient à manger, etc. Mais lorsqu'ils les retrouvent, elles sont en train de danser sur le toit de la voiture, elles se sont déguisées. C'était de la grosse Dromendas et puis. C'est ça, le son radio à fond avec du Bourville. Salade de fruits. Avec un petit remix Artec quand même. Et en fait, elles se sont déguisées un peu en homme des bois, c'est-à-dire qu'elles se sont. Ils sont mis de la boue sur le visage. Ah ouais, on est sur de la drogue un peu violente. Une ceinture de. Bah ouais, on sait pas ce que c'est finalement. Une ceinture de feuilles. Enfin voilà, donc. Ok. Ouais, Riton, il est là, il fait aïe aïe aïe aïe. Non, il le fait pas, non, je me rajoute, mais j'aimerais bien qu'il le fasse plus qu'on a un bon gag. Bah écoute, qu'on a un bon filon comme ça. Et donc, voilà, ils se sont fait à manger, etc. Ils se sont déguisés, c'est la panique. Riton, il a la honte devant le garagiste, quoi. Est-ce que le garagiste est là aussi ? Bah oui, parce qu'il est revenu avec le garagiste dans la remorqueuse pour aller changer la roue, quoi. Ah oui, bah les présentations sont cocasses. Et donc, bon, il répare la roue, le garagiste s'en va, il le paye, il dit merci beaucoup, puis après, il fait la morale à sa fille, il fait mais ça va pas, qu'est-ce que vous faites ? Puis elles sont là. Et par contre, elles sont redescendues vite. Donc, ça a dû durer une demi-heure en tout, entre le moment où on se déguise, on se fout à poil avec sa fille, on se roule des palos. Et... Non. Et puis bon là elles sont déjà redescendues, elles sont à l'arrière de la voiture, on sent qu'elles sont un peu stone mais ça va quoi, elles sont calmées. Et lui il leur dit ah ben dis donc ça va pas bien ou quoi, etc. Bon, j'accélère un petit peu. Mm-hmm. Il leur arrive d'autres problèmes sur la route. D'accord. Différentes anecdotes. Genre quoi ? Genre par exemple un moment de mémoire ils vont dans un resto routier pour s'arrêter pour manger. Forcément il y a un moment ils veulent prendre leur valise qui est sous là, il y a le cuisinier qui dit oh bah là c'est du bon ail que vous avez, il fait à manger pour tout le resto routier. D'accord. Voilà, ça par rapport à cacahuètes, c'est un peu running gag du coup, bah c'est toujours sur le même principe. D'un côté quand ta thématique c'est la gousse d'ail, enfin l'ail, la gousse d'ail c'est bon pour la santé, c'est quand même le titre du film, parce qu'ils ont annoncé la couleur. Déjà faut oser. Il faut rentabiliser l'ail. Non, c'est normal. En tout cas, si on arrive un petit peu sur la dernière partie du film, ils arrivent en Espagne. Ok. Ils trouvent le gars qui les attendait. Ils passent la donne sans problème. Ok. Parce que Lily, là, c'est aussi un running game qu'on trouverait plus à notre époque. C'est-à-dire que Lily fait un peu du charme au douanier. Alors qu'elle a 15 ans, c'est un peu un truc qu'on éviterait maintenant, mais qui est récurrent au sein du film où tout le monde avait un peu la draguée, etc. Alors qu'elle a 15 piges. Mm. Et, pas donc... 15 piges. Oui. Vous vouliez dire Non, c'est bon, je vais m'arrêter là. Donc, ils trouvent le gars pour faire la transaction à Carabina Cruz. À Carabina Cruz. Et donc, il leur donne l'ail, il récupère tout l'ail. Et le mec leur donne une mallette. Et il dit à Riton, tiens, ça, c'est ta part. Esta ta part. C'est la part de Robino, mais ça, c'est pour toi. Je veux dire, c'est ta part à toi parce que t'as fait le trajet. Okay. Et donc, après, il ouvre avec ses filles. Et puis, Riton, il fait, oh là là, c'est bien payé, les gousses d'ail et tout. Oui, il comprend pas, Riton. Il comprend pas. Il dit, on va passer de bonnes vacances, etc. Donc là, on a un peu ce qu'on croit être une scène de fin, puisqu'ils partent en vacances. Avec, on voit la voiture qui s'éloigne, et puis ils ont plein d'argent, donc ils sont super contents. Et enfin, on a la réelle scène finale. Okay. Où il y a eu un cut, on ne voit pas leurs vacances, hein, mais tout le film s'est déroulé en fait, pendant ce trajet de leur départ, l'arrivée en Espagne. Et la réelle scène finale, en fait, ils sont de retour chez eux. Okay. On voit Riton dans son petit jardin d'Île-de-France qui plante plein d'ail, en se disant qu'il va faire fortune, etc. D'accord. Et fin du film générique. Jean-Bierre, si vous avez des questions, en tout cas, je vais vous demander, est-ce un vrai film ou un faux film ? C'est dur d'avoir des questions parce qu'en fait tout est bien ficelé. C'est ça qui est ficelé difficile. Ficelé comme une gousse d'ail. Oh, allez. Non, mais c'est ça, c'est vrai que c'est dur du coup d'avoir des questions parce que moi je vous écoute. Vous êtes dans l'histoire, vous êtes avec cette famille. Et puis tout ce que vous dites est complètement plausible. Enfin, je veux dire, tout ça peut se passer. Il y a pas sur d'autres films, des fois, il y avait un petit peu des incohérences. Quand une fois, le policier tout seul dans la voiture. Enfin, je suis désolé. Hein, oui, non, mais vous faites bien de. Numéro 6, mais je m'en souviens bien de remettre ça sur le tapis. Quand même. Non, mais donc c'est très difficile. Après, moi, je trouve que tout est. C'est quand même un film qui... si on le résume, un film qui parle d'un trafic de drogue dans des gousses d'ail. Oui, bon, il y a eu pire. Hein. Enfin, si on prend Ohai, dans un style complètement... Ohai, bah oui. Tu parlais aussi. C'était ça. Version francophone. Ohai, je suis plus loin. Ohai, oui. Ohai, ouais, voilà. Ouais, c'est l'histoire de deux mecs qui ont des. Ouais, mais bah, du ont coup. Des super pouvoirs parce qu'ils fument les cendres de leurs potes. Bah, on était précurseurs en France aussi. Voilà, non, mais il y a eu des trucs dans ce style-là en France. Après, moi, je pense que ça peut être. Je pense que c'est un vrai film. Mais. Enfin, non. Plutôt, pourquoi je pense que c'est un vrai film? Parce que c'est un peu dans toutes les thématiques qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Un peu le côté on part en vacances, notamment en Espagne, dans les années 70, congé payé, tout ça. Enfin, ça, c'est le côté. Front populaire. Voilà. Non, et du coup, je pense que ça peut être un vrai film. Pour moi, ça serait un vrai film. Et c'est votre réponse? J'ai pas beaucoup d'autres arguments, mais je pense que c'est un vrai film. Jean-Bierre? Ouais. Oh. C'est un faux film. Oh non! C'est vrai! Oh, fait chier. Vous l'avez? C'est un faux film. Oui, mais... Je l'ai pas, c'est un faux film. Ah bah film. Oui, non, je suis con. Oui, non, pardon. Bah, voilà. Les règles sont un peu complexes, hein, faut savoir que... C'est un faux film, vous l'avez, montrez-le-moi. Enfin, vous êtes encore trompé, Jean-Bierre. Vous mentez. Ce film n'existe pas. Il n'y a jamais eu de film avec Jean Lefebvre sur un trafic de gousses d'ail pendant un départ ouais, en vacances. Ça m'aurait pas. C'est là toute la saveur, Jean-Bierre. Mais là, c'est dur. Comment j'aurais pu savoir? Eh bien, parce que vous auriez pu poser des questions intelligentes. Comme quoi, des questions? Par exemple, vas-y, allez-y, donnez-moi. Mais ne soyez pas vexé, Jean-Bierre. Si, ça fait une merde, j'en ai marre, ça fait 5 fois d'affilée que je perds. Vous avez perdu. Mais oui, mais pour... comment j'aurais pu savoir? Avec quelles questions j'aurais pu savoir? Mais j'en sais rien, c'est pas mon travail, mon vieux. Ça... C'est vrai. Mais je devrais vous mettre plus en difficulté, c'est vrai. Je pense que vous avez perdu. Qu'est-ce que j'y peux? Bon, d'accord. Et je suis content parce que ça fait un petit moment que vous gagnez plus. Hein. Ouais, mais. Il y en aura encore à l'émission prochaine, c'est à vous de. J'ai une grosse période de win et là, c'est loose. Ouais, je suis un peu énervé quand même. En vrai, je suis un peu énervé. Je suis un peu énervé parce que je sais pas comment me sortir de. Parce que ce film était tout à fait crédible. Bah oui, donc mais parfaitement c'est bien écrit. Bah oui, enfin oui. J'aurais dû vous demander plus de détails sur les dialogues. Mais ouais, c'est compliqué. Et en plus, vous inventez bien. Vous avez un sens de l'improvisation qui est quand même pas mal. J'ai rien écrit, c'est que d'impro. Ah bah... j'ai vu une gousaille sur la table et tout est parti de là. Hein. J'ai pu faire le truc sur la licorne à côté, là, ça aurait été pas mal. Écoutez, Jean-Bierre. Ça m'énerve. Ça m'énerve, je suis un peu énervé. Vous voulez que je vous repose la question? Oui. C'est un vrai film ou pas, Jean-Bierre? Oui. Non, Jean-Bierre, vous êtes complètement con. Et vous l'avez? À vous de faire votre connu que Jean-Bierre, ce n'est qu'un jeu. Ok, bah ouais, c'est qu'un jeu. La prochaine fois, c'est la bonne, Jean-Bierre. Ok. Moi, je vais partir sur un autre truc, du coup, parce que j'avais une chronique qui était un peu longue, donc je me dis, on va faire une chronique un peu plus courte, oui. Petite pause, et je partirai sur ma chronique un petit peu plus longue. Très ensuite, bien, avec grand plaisir. Avec grand alors, ma chronique, plaisir. Ça concerne un son du turfu. Alors, c'est un petit son. Alors, je tiens. À mettre en garde les auditeurs et vous-même, Richie. Écoutez-moi, parce que c'est sérieux quand même. Vous voulez pas? Pardon? Écoutez-moi. Mais si. Parce que si vous éprouvez un certain malaise ou un certain. Voilà, quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas aller, qui se passe pas bien à l'écoute de ce son-là, vous enlevez votre casque directement, c'est d'accord? C'est vrai? Ouais. C'est sincère? Oui, c'est sincère. C'est une vraie. Ouais. Très donc bien. Vous n'hésitez pas. Et vraiment, c'est un vrai conseil que je vous donne. Faut faire un peu. Voilà. Mais très bien. Alors je vois que le son dure 2 minutes 10. Ouais, c'est assez court, mais on n'est pas obligé de l'écouter jusqu'au bout. D'accord. Vous me dites quand je le lance, je suis c'est prêt. Un indice, normalement il dure 30 minutes. D'accord. Voilà, je l'ai cuté, mais voilà. Vous êtes prêts? Oui. 3. Ça m'a inquiété. Hein. 3, 4. J'entends un petit son musical. Hein. Enfin, un début de nappe. Ouais, c'est ça. Encore une fois, si vous sentez mal, vous arrêtez. Hein. Qu'est-ce que ça vous évoque? Pour l'instant, ça ne m'évoque pas grand-chose. On dirait un son de pluie en fond. Uh-huh. Un petit, des petits sons récurrents. On dirait un son un petit peu pour être en transe ou pour un son de méditation. Ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Mais c'est censé mettre vraiment mal à l'aise. Ah, c'est. J'entends de plus en plus d'eau. Chez certaines personnes, ça peut vraiment provoquer des. Ouais, il y a de plus en plus d'eau. On entend de plus en plus distinctement de la pluie. Ouais. C'est la mousson. C'est ça le son du turfu. C'est la mousson. Une bande son de mousson. Bah, j'étais chez Nature et Découverte, j'ai craqué, c'est pour bien s'endormir. Oui, c'est ça, on dirait. Alors vraiment on peut l'arrêter. Ça. Ouais. Je viens de faire le signe pour l'arrêter. D'accord. Ouais. Ça m'a pas mis mal à l'aise. Non. Ça m'a pas créé alors de, qu'est-ce que de selon gêne. Vous c'est? À quoi ça veut servir? Pourquoi il y a ce son là? C'est un son de soin. De soin? Ça ressemble à un son pour soigner quelque chose. Alors non, c'est pas pour soigner. Quoique certaines personnes. Ah, je sais pas s'ils peuvent l'utiliser pour se soigner. Pas en tout cas sous forme auditive comme ça. Ah, en suppositoire. Avec le CD. C'est dangereux. Bon, écoutez, faut mettre un condom. Sur la tranche, quoi. Dans la rondelle. Perrier rondelle. Oh, allez. Est-ce que... Ouais, qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que... C'est compliqué. Est-ce que c'est un son qu'on peut acheter, par exemple, sur un CD? Oui, alors justement, ce son-là, je l'ai acheté. C'est payant. Ah oui, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, finalement. Bah, exceptionnel, je sais pas, mais en tout cas, c'est payant. Et ça mérite d'être payé, quoi. Ouais, c'est payant. C'est payant. Et vous l'avez acheté, donc, en dématérialisé? En ligne, en ligne. MP3. En wave. Non, en plus, c'est même pas en MP3, pour tout vous dire. C'est dans un format spécial, et il faut l'écouter avec un logiciel spécial. D'accord. Et voilà. C'est lié à l'utilité du son, le fait qu'on doive le lire avec un logiciel spécial? Pour gérer, c'est un logiciel qui gère tout ce qui est traitement binaural. D'accord, c'est donc un son qui a des effets sur le cerveau directement. Exactement. C'est un son qui fait des variantes entre gauche et droite. Non, la panoramique, si elle doit jouer un peu, mais c'est pas... Ça crée un effet sur le cerveau. Ça crée un effet sur le cerveau. C'est censé détendre? Alors, ce son-là, oui. Oui. Mais il y a d'autres sons qu'on peut acheter sur le site internet qui sont pas là pour détendre, qui sont peuvent faire arriver en transe, pour avoir des alus et tout. Ouais, pour ou même pour exciter les gens. C'est ça, etc. J'ai. Ouais, on va dire que vous avez bon. D'accord. En fait, c'est quelque chose que je voulais tester depuis longtemps et j'avais complètement oublié. C'est toutes les drogues auditives. Ah oui, j'ai. Vous avez entendu? Il y en a pas des gratuites sur YouTube? Moi, j'ai vu des. Alors justement, alors celle-là, oui, mais en fait sur YouTube, c'est juste des. Justement, il y a pas le côté binaural. J'avais fait ça il y a quelques temps et je dois avouer que je m'étais allongé dans mon lit. Ouais. Parce qu'il faut aussi un peu la mise en situation. Non, mais voilà, c'est ça. Faut écouter. J'étais ça, allongé dans mon lit, j'avais gardé les yeux bien fermés et pour le coup, il y avait vraiment des variations gauche-droite. Je me souviens, hyper rapide. Ok. Du son, ça avait une sorte de. Et ça vous a fait quelque chose ou pas? À bout d'un moment, ouais, ça m'a fait quelque chose parce que j'étais complètement drogué. J'étais complètement drogué, quoi. J'étais accro. Voilà, c'est ça. Non, ça m'a. Si, bah, c'est un peu comme qu'on a l'impression de méditer ou qu'on fait. Ouais, moi, oui, il y a un peu de ça. Moi, j'étais partagé. Méditer dans ma tasse, j'ai soif. J'espère que les auditeurs vont réécouter ce passage au ralenti pour bien comprendre la blague. Alors, moi, pour ces sons, pour ces drogues auditives, là, j'ai toujours été partagé entre l'amusement. Au début, en fait, j'ai découvert ça genre au lycée. Où je trouvais ça intéressant. Mais en fait, j'avais pas de carte bancaire au lycée parce qu'il fallait les acheter sur internet. En fait, on en trouve sur YouTube. Mais sur YouTube, c'est pas la même qualité. C'est pas la même qualité. C'est comme l'ecstasy qu'on trouve sur YouTube. Bah, par exemple, c'est pas la même qualité, voilà. Donc là, il n'y avait pas ce côté binaural là. Et du coup, là, j'ai pu retester ça l'autre jour. Oui. Justement, parce que je cherchais un son de turfu. Je me suis dit, bon, je vais faire une chronique là-dessus. Je vais vraiment me mettre dedans. Et du coup, je suis allé sur le site iDozer. Parce qu'en fait, je suis retombé sur un article qui parlait des drogues auditives. D'accord. Et puis, je suis retombé sur le site iDozer. Vous avez tout ça. Qui sort des packs, en fait, tous les ans. Donc, il y a des trucs pour des stimulations cérébrales, des trucs pour la méditation, comme vous le disiez. Des trucs un peu tout ce qui est lié à la spiritualité, à l'éveil des sens, à l'illumination. Et, ah oui, je suis tombé sur un régime minceur aussi. Voilà. Ouais, on met un son et on et perd puis, du poids. Bon, on maigrit, quoi. Mais du coup, ce son-là que vous avez fait écouter... Alors là, c'était la marijuana. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, vous n'allez pas me croire, mais j'ai trop envie d'écouter du dubbing et tout maintenant. Du Sinsemilia, ouais, du trio. Ah, de ouf. D'ailleurs, je crois que vous avez un peu les yeux rouges. Mais oui, mais ah, oui. Sérieux, là, je sais pas si je vais pouvoir continuer l'émission. Hein. Je vais un peu fonfon. Et ben voilà, moi, c'est exactement le genre d'avis que j'avais, où j'étais toujours un peu partagé entre « Ok, ça peut marcher, peut-être ». Et à la fois, c'est quand même une belle arnaque, quoi. Sur leur site internet, ils vendent plein de trucs. Genre, ils vendent des trucs, de la cocaïne, du crack, du LSD. Enfin, tu trouves toutes les drogues oui, que tu veux. Déjà, je pense qu'un son peut avoir un effet sur le cerveau. Ouais. Il y a aussi l'autopersuasion. Non, mais complètement. Fait énormément. Mais le vendre en pensant qu'ils ont trouvé les sons oui. aussi précis que de pouvoir faire ou le crack, ou le LSD, cocaïne, ou la marijuana. Genre, précisément, voilà. C'est... Ouais, c'est ça qui m'a fait... Ça, c'est un petit peu exagéré, quoi. Voilà, donc je trouvais ça assez mais ça drôle. Peut permettre à plein de gens de se droguer sans mais les méfaits. Mais de toute façon, complètement légal. Et oui. C'est quand même très bien. C'est quand même très sympa. Alors, l'autre truc sur lequel je suis tombé, du coup, en tapant ça sur YouTube, c'était les gens qui écoutaient ça et puis après, qui faisaient le débrief face caméra. Bah voilà, un bon gros moment de tristesse. Ah oui. J'ai envie de dire, notamment deux jeunes qui voilà qui sont complètement perchés après avoir pris un petit shoot de cocaïne par les oreilles quoi. Et c'est un petit moment assez pathétique. Voilà. Oui. Et du coup, évidemment, je me permettrais pas d'en parler si j'avais pas testé. Et du coup, j'ai testé ça l'autre jour là. Et du coup, ça dure une demi-heure. Alors ouais, ça dépend des doses, mais en tout cas, moi, celle que j'ai testée, c'était pas la cocaïne, parce que du coup, je suis allé m'inscrire sur le site internet. Il faut le faire dans quelles conditions réellement? Alors voilà, les conditions, c'est normalement d'être dans son lit, en position horizontale. la tête en bas, avec dans le noir. Ça ne marche pas. Non, d'être allongé dans son lit, dans le noir, et ouais, avec un casque sur les oreilles. Quoi. Ah oui. Voilà, pendant une demi-heure, évidemment, essayer de pas s'endormir. Et là, normalement, on est censé ressentir. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose ? Absolument rien. Et vous aviez pris quelle drogue déjà ? Moi, c'était quoi ? C'était. Non, c'était pas la marijuana, c'était un autre truc, je me souviens plus du nom. Un truc Poppers. Un peu qui était censé détendre, qui était censé apaiser. C'était du Poppers ? C'était peut-être du Poppers. J'avais le flacon. Virtual Poppers. Génial. Et donc, ça vous a rien fait ? Même pas pendant les coups, vous n'êtes pas un petit peu senti détendu ? Non, en fait, pas plus que si j'étais resté 30 minutes dans mon lit, les yeux fermés, avec de la musique dans les oreilles, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Voilà. Après, du coup, je me suis renseigné, je suis tombé sur des articles, notamment un article d'une revue en ligne de qualité, Vice. Ah, ouais. Voilà. Où une journaliste, du coup, essayait ces différentes drogues-là, et où elle disait que ça avait marché, qu'après ces 30 minutes-là, elle se sentait, voilà, un petit peu. Je sais plus ce qu'elle avait pris, je crois que c'était de la coke, enfin la coke, cocaïne par les oreilles, quoi, et où elle disait que vraiment ça fonctionnait et tout. Mais moi j'ai toujours été sceptique par rapport à ça et je trouve que c'est oui, plutôt une belle arnaque. Donc voilà, j'avais envie de partager ça un peu, avoir votre avis sur le sujet. Bah moi je connaissais ça vaguement, j'avais pas vu ça pour l'effet drogue. Ah si, ouais, jamais vraiment. Ah, c'est leur fond de commerce. Hein. Vu ça, des sons comme ça pour avoir en fait des hallucinations et partir en méditation transcendantale. Ouais, voilà quoi. Bah ça sur YouTube on en trouve plein, mais c'est pas forcément le côté binaural ou quoi que ce soit, c'est juste un peu de flûte de pan, des chutes d'eau, des trucs comme ça, des trucs qui servaient à apaiser en fait. Non, c'était vraiment des sons un peu comme ça, un peu violents, comme je vous ai dit, qui passaient gauche-droite. Et à la fin, moi, j'avais des alus de ouf. Je regardais ma main, je disais, putain, vas-y, on dirait trop un pied, quoi. Ah ouais, carrément. Mais en fait, c'est que mes mains ressemblent à des pieds, tout simplement. Quoi. Oui, bah, et vice-versa. Vice-versa. Yeah. Et du coup, c'était des sons où il y avait des flûtes de pan, des chutes voilà, c'était le son du turfu de cette semaine. Et bah, écoutez, c'était très intéressant. J'aimerais bien avoir un retour des auditeurs s'ils ont testé ça. En tout cas, qu'ils le testent. Hein. Prenez de la cocaïne, du crack, du LSD. Il y a vraiment tout ce que vous voulez en ligne. Mais non, mais ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on encourage toujours, et surtout nos jeunes auditeurs, à prendre réellement la cocaïne, du crack, du LSD. Et pour ensuite comparer les effets. Bien sûr, parce que sinon, comment savoir finalement ? À savoir que c'est vraiment des drogues qui marchent très bien chez les 13-15 ans. Quoi. Enfin, bah, si surtout, même avant, quand le cerveau n'est pas tout à fait encore formé, c'est nourrisson principalement. 4-5 ans, voilà, très bien. Non, mais si on n'a pas. C'est vrai, mais rien que ça, pardon, mais c'est quand même un peu idiot. Si on n'a pas goûté de LSD, comment on peut se dire, j'ai pris le LSD auditif, c'est trop pareil. Oui, non, mais c'est ça. Et puis encore une fois, comme vous le disiez, comment on peut avoir des effets aussi précis que ça, oui, avec des sons qui, du coup, j'en ai écouté plusieurs, qui ressemblent quand même tous à ce qu'on vient d'entendre là, quoi. Oui, c'est assez similaire. Il y a des nuances et des utilités, mais clairement, c'est quand même vraiment la même chose à chaque fois, quoi. Donc voilà. Oui, donc, peut-être pour le popper, c'est plus des sons de paix. Non, mais je sais pas. Moi, j'ai pas écouté, mais j'ai pas écouté le. Les proutes. J'ai pas écouté le popper non plus. On peut rigoler, hein. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il est en train de m'humilier avec ses blagues. Mais voilà, en tout cas, c'était le petit son du turfu. Donc encore une fois, j'attends des retours de la part écoutez, de nos auditeurs. On verra ça. Hein. Et voilà. Va très bien. Écoutez, c'était et très encore une fois, écoutez pas trop cet extrait longtemps parce que vous pouvez être soumis aux effets de la marijuana. Et bah, écoutez, on vous laisse une petite pause. On se retrouve tout de suite. D'ailleurs, ça serait une pause à base de musique reggae pour justement rester dans l'ambiance. Parfait. Voilà, de la Marie-Jeanne. Bisous les loulous. Bisous les loulous. Ouais yo yo, dédicace. Dédicace à tous ceux qui ont des problèmes avec la justice. Dédicace à tous ceux qui sont en zonzon. Tous ceux qui restent forts. Tous ceux qui font des travaux d'intérêt généraux. Tous ceux qui sont en colle actuellement. Tous ceux qui ont des problèmes avec la délinquance. Tous ceux qui ont plongé à cause de la drogue, du teuchi. Tous ceux qui se battent à chaque instant. Et surtout, dédicace à tous ceux qui ont des problèmes de santé. Tous ceux qui ont des problèmes de calvitie. Les gars, c'est bon, Jason Statham, il est chauve et ça va pour lui, vous inquiétez pas. Dédicace aussi à tous ceux qui respectent la loi dans le cadre des conventions internationales. Dédicace à tous ceux qui ont des problèmes pour trouver de l'eau potable. Dédicace aussi à toute la famille, à tous les amis, à ceux qui ont toujours été là, à ceux qui ont le cœur sur la main. Grosse dédicace à tous ceux qui réparent les objets au quotidien, que ce soit les mécaniciens, les informaticiens. Les gars, vous êtes là, ça fait plaisir. Dédicace à tous les artisans. L'artisanat, c'est la première entreprise de France. Bon appétit, bon baguette. Merci à tous, c'est parti. Reggae, reggae, reggae, reggae, man. Reggae, reggae, man. Merci à tous, très bonne soirée, à très bientôt. Oh là là là là là, la bière. Je me sens encore complètement drogué. Fonce-car. Oh là là, je suis fonce-car, pied au plancher. Je suis parti pour délirer toute la soirée, me vider la tête. La bamboule. La grosse bamboule. Vous avez l'air en pleine forme, en tout cas, j'avais envie de vous dire. Je suis en pleine forme parce que je vous annonce, pour info, comme ça, que le prochain album de John Grant va sortir en octobre. Ah, John Grant, c'est pas une marque de whisky, ça? Non. Non. Jack Daniel, je crois. John... Je vous remercie. Non, mais voilà, pour ceux qui connaissent John Grant, c'est un bonheur. Je vous ai fait écouter parfois en automobile. Des fois, on était complètement nus au volant. On transportait de l'ail dans le coffre. C'est vrai, c'est... Et moi, c'est un album, son premier album qui s'appelait Queen of Denmark, où il parlait de son homosexualité. C'est un album qui a changé ma vie. Et voilà, vous me l'aviez dit, c'est celui-là qu'on avait écouté en bagnole. Ouais. Et il y a des albums comme ça que j'ai écouté de façon obsessionnelle dans ma vie. Ça peut être Carrie Anne Lowell de Sujan Stevens récemment, les albums d'Eliot Smith ou John Frusciante. Ah, c'est quoi les albums que vous avez le plus écoutés dans ma vie? Ouais, dans ma vie. Je sais pas, parce que si on enlève l'adolescence. Ah bah non. Où on est un peu vraiment obsessionnel. Ah bah non. Bon ça va être Toxicity alors. Ah, comme je vous comprends. Voilà, je vais pas mentir. Non mais de l'autre côté, c'est pas honteux. Hein. Je pense que ça doit être Toxicity. C'est celui que j'ai le plus écouté. Ouais, et c'est quoi le premier CD que vous avez eu? Ah, que j'ai acheté avec mes Que vous avez acheté ou que. Parce que moi, je sais que par exemple. Lequel? Play? Le premier, je crois. 18? Enfin. Je sais plus, mais je crois que c'est Moby. Ici autre chose. Et c'était un single. Hein. Ah bon? Ok, bah non, mais c'est possible. C'était un single que j'avais acheté, c'était pas un album, mais après le premier album, j'en ai pas eu beaucoup des albums. Je crois que c'était l'album solo de Lauryn Hill. Ah ouais. Quel âge? Ouais, Lauryn Hill avait... t'es sûr. Je sais plus du tout. Non mais parce que c'est... Parce que j'ai eu beaucoup de gravés déjà, et puis j'avais une grande sœur, donc... Vous aviez hérité mais, de... Mais du coup, voilà, il y avait beaucoup de CD, surtout qu'on partageait la même chambre. Est-ce que... D'accord, ok. Donc ça se mélangeait un petit peu, voilà, je sais plus exactement, mais... Est-ce que vous y êtes partie des gens qui écoutait en cachette de la musique pendant les cours au collège? Avec l'écouteur comme ça dans la main? Avec l'écouteur dans la manche? Non. Okay. Très bien, moi non plus. Mais en tout cas, voilà, il y a des albums qui vous ont marqué. Parce que moi, je vous dis, cet album Queen of Denmark de John Grant, j'encourage tout le monde, ou Carrie Anne Noël de Sujan Stevens, c'est des albums qui m'ont marqué. Quoi. Si une fois que t'as écouté ça, tu... Si, moi, il y a des albums qui m'ont marqué aussi, ouais. Fait tourner les serviettes de Patrick Sébastien. Ouais, par exemple, Yannick, cette soirée-là. Oh là là. Un petit bijou. Non, mais moi, c'est ou des artistes tout court, des choses où vous avez dit, oh là, bon bah, j'avais dans l'idée de faire de la musique un jour, là, ça sert plus à rien. Ils ont parce qu'ils ont fait ça. Je vais pas parler d'Orelsan, parce que vraiment, c'est pas un artiste que j'apprécie tant que ça. C'est longtemps. Midlake. Ils ont travaillé avec John Grant, justement. D'accord. Ah, tous rejoints. J'en ai parlé. Tous rejoints. Voilà, Courage of Others, qui est un des albums que je trouve magnifique, vraiment que je trouve. Je vous rejoins. Je trouve ça très très beau. Nina Simone. Ah oui. Je trouve ça magnifique. Et sa sœur aussi en voiture. qui a sorti quelques albums, je crois, des albums de bruit de klaxon. Du side project, voilà, vite fait quoi. Avec Perky Baba, je crois, enfin des trucs un peu inconnus. Mais écoutez, ça me fait. Matafix. Voilà, je te ai parlé. Parce que la première fois que j'ai entendu ça, en fait, je crois que c'est la première fois que j'écoutais un peu du trip hop. Ouais. Et je connaissais pas du tout Morshiba, Massive Attack, tous ces trucs-là. Et c'est après que j'ai commencé à m'intéresser à ce style de musique. Mais ça a commencé par Matafix. D'accord. Et que je trouve toujours très bon. D'ailleurs, j'en écoute toujours à Matafix. Très bien. Voilà. Très bien. Darfour. La musique, c'est important. La musique, c'est la vie. La musique, ça fait du bien. Ça aide à supporter les petites bassesses du monde et des gens. C'est vrai, mais comme l'art en général, j'ai envie de dire. Moi, si j'étais président de la République, en parlant de supprimer les petites bassesses du monde et des gens, j'emprisonnerais les gens qui klaxonnent au feu vert, par exemple. Moi, j'emprisonnerais les gens qui klaxonnent tout court. Hein. Ça dépend, parce qu'on peut klaxonner, par exemple, parce qu'on va écraser un enfant. Normalement, en agglomération, c'est interdit. S'il n'y a pas de danger immédiat. Et au feu vert, non, ok, je suis d'accord avec vous. Mais oui, en fait... genre le feu vert passe bip. Ouais, non, mais ça, oui. Terrible. Mais ça, c'est l'aspect un peu grande ville aussi, j'ai l'impression, non? Ouais. Je veux pas généraliser. Hein, mais... Non, mais quand même, voilà, mais moi j'enfermerais aussi les vieux qui nous passent devant volontairement en voyant très bien qu'on est là au supermarché par exemple. Oui, moi je ferais ça. J'enfermerais tous les connards, pardon, excusez-moi, qui te traitent de geek parce que pour fermer une fenêtre sur ton ordinateur, tu fais Alt F4 plutôt que de cliquer sur la croix en haut à droite. Le gros geek. Voilà, le gros. Voilà, je vous enfermerais. Ah oui. Voilà, moi j'enfermerais qui d'autre? J'enfermerais les gens qui vont aux toilettes pour faire caca. Et qui prennent pas soin de fermer la porte. Et ça, il y en a plus d'un. Mais dans les toilettes publiques ou oui, chez par exemple, sur les aires d'autoroute. Des gens, à chaque fois, tu rentres, et t'es là, ah, oups, ah, bah, pardon, ah, désolé. Mais ça m'est jamais arrivé de tomber sur quelqu'un dans les toilettes. Ça m'est arrivé super souvent. Ouais. Des gens qui, voilà. Alors, on se demande s'ils ont pas envie de se faire surprendre, quoi. Voilà, moi, j'enfermerais ces gens-là aussi. Parce que pour moi, peut-être l'envie de se faire surprendre. Bah ouais, je pense aussi. Moi, j'enfermerais aussi les gens Ouais. Et pourtant, vous savez, on vient de parler de musique, mais qui mettent la musique sur leur téléphone fort dans les transports en commun. Oui. En fait, moi, j'enfermerais les gens qui écoutent de la musique fort dans les lieux publics, parce que si tu veux écouter de la musique fort, bah, tu mets un casque et c'est tout simplement pour moi, quelqu'un qui fait ça, c'est une façon de nier l'existence de l'autre, tout simplement. C'est leur montrer, écoute, tu n'es pas là, tu ne m'intéresses pas, je suis tout seul dans cet espace. Et à partir du moment où les individus d'une société nient l'existence de l'autre, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Alors qu'est-ce que j'organiserais, moi, comme chose? C'est que la personne qui est chopée en train de faire une de ses incivilités, elle devient gardien. Sur ses week-ends et sur son temps de travail. Du coup, elle n'est plus payée de son salaire parce qu'elle devient gardien. Gardien de quoi ? Gardien, justement, de la morale. Et elle doit trouver une autre personne qui fait une incivilité. Ah. À ce moment-là, elle lui passe le relais. Elle peut reprendre le travail. Genre, donc, touche ses toiles loup, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, du coup, la personne qui serait la dernière a pu trouver. C'est l'angoisse d'être le dernier qui ne trouve plus personne qui fait de l'incivilité. Et je pense que ça calmerait bien. En France, on est peinard quand même. Hein. Enfin, à quel niveau ? En termes d'incivilité, je veux dire, il y en a un certain nombre. Ah oui, on a du temps avant que mais moi, plus personne. Mais moi, je suis pas d'accord pour dire que c'est une façon de nier la présence de l'autre. Enfin, je pense que si, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi le fait de montrer publiquement les choix qu'on fait. Il y a des gens qui vont s'habiller de manière extravagante, par exemple, pour assumer leur en disant, bah voilà, moi, ma personnalité, elle est comme ça. Et ça vous gêne, comme ça. Hein ? Ça vous gêne, ça ? Non, je dis pas que ça me gêne. J'ai juste que, du coup, le fait d'écouter de la musique dans un lieu public fort, ça peut aussi être une de ces façons-là de dire, bah voilà, moi, c'est ma personnalité et je l'assume publiquement. Et mais à ce moment-là, ça peut être dire, ma personnalité, c'est d'être un connard et je klaxonne au feu vert. Oui, c'est vrai. Non, c'est si vrai. On va par là, on tolère tout. Oui, c'est vrai. Une petite dernière question pour vous. Marine Le Pen, vous n'avez pas honte ? Je vous laisse faire votre chronique, j'en viens. Merci, c'est gentil. Non, pas du tout. C'est un vote conscient. Alors, c'est important de voter conscient. Vous connaissez la Finlande un peu ? Un petit peu, oui. C'est vrai, vous connaissez des mots en finlandais ? Comme quoi ? Grottebyr. Ah, pas mal. Vinskart. Ça, c'est pas cool par contre. Kuljof. Parce qu'elle vous a jamais rien fait. Dervigap. Ah, c'est quand il y a une faute au foot ? Non. Ah. Non, c'est pas quand il y a faute réellement, c'est hors-jeu. Ah, pardon, ok, tant pour moi. Très bien. Un quatrième peut-être. Et puis, Coolio. Ah, d'ailleurs, très belle reprise de Jane. Je sais que vous aimez Jane. Très belle reprise de Gangsta Paradise de Jane sur France Inter. La vidéo est disponible. Rich sur YouTube. On se rappelle de ce conseil de Jean-Bierre d'écouter Jane et que c'était la plus grande artiste de tous les temps avec Christine and the Queen. Rich. Non, mais arrêtez avec ça. Qui vient de ouais, oui, bah, Saint-Sébastien à côté de Nantes. Christine and the Queen. Oui, Saint-Sébastien. Voilà, exactement. Saint-Sébastien, c'est à côté de Bilbao aussi. Bon, on dit comme on veut. Excusez-moi d'être bilingue. Oui, Richie m'a envoyé un mail avec en effet un lien vers Boomerang, l'émission d'Augustin Trapner sur France Inter, où Jane fait en effet quelques fausses notes. Oh, pas beaucoup, hein, 95% des. Bon, oui, vous êtes gentil. Non, mais il n'y a pas que c'est la musique aussi, c'est sympa. Non, mais la musique, elle, tout, enfin, les gestuels qu'elle fait, enfin, vraiment tout est horrible. Et si elle nous écoute, et on sait qu'elle nous écoute, elle peut venir nous faire un petit live dans la station, on sera ravis c'est aussi. C'est pour reprendre du Coolio, je suis chaud. Donc voilà, bah, on a vu du coup votre vocabulaire finnois. Oui. Moi, je voulais vous parler du mot onkalo. Oui. O-N-K-A-L-O. Oui. Qui veut dire cachette en Finlande. Voilà, je vous ai dit, hein, c'est une chronique mais assez courte. Oui, mais c'était intéressant, on a appris quelque chose. Voilà. Donc quand ils font un cache-cache, ils font un onkalo, onkalo. Onka, onka. Ouais, c'est ça. Non, onkalo, ça veut dire cachette. Et en fait, ça vient de. Enfin, ça vient de. J'ai vu ça dans un documentaire qui s'appelle Into Eternity. D'accord. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Documentaire. Mais j'ai vu Into the Wild. Ouais, bah, c'est presque pareil, mais en Finlande. Et puis, ça parle de déchets nucléaires. Ah oui. Voilà. Alors, Into Eternity, donc documentaire disponible sur Dailymotion en version originale, ouais, titré français. C'est un documentaire de Michael Madsen, qui est le réalisateur. Et en fait, ça traite de chercheurs, donc c'est dans le monde scientifique, qui en fait essayent de trouver un moyen d'enterrer leurs déchets nucléaires. Donc pour toute la Finlande, ils veulent trouver... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait bien que les déchets nucléaires, ça, c'est toujours un problème actuellement. On ne sait pas trop quoi en faire. Actuellement, ils sont enterrés dans des espèces de silos remplis d'eau et parfois mis sous terre. D'accord. Et donc là, le but de ces chercheurs-là, c'est de trouver un endroit où on va pouvoir mettre ces déchets nucléaires-là jusqu'à dans 100 ans, à peu près. Et une fois, dans 100 ans, ils sont à peu près persuadés qu'on n'aura plus de déchets nucléaires parce qu'on aura trouvé des alternatives, énergie renouvelable, etc. D'accord. Et on laisse ces déchets-là, parce qu'en fait, un déchet nucléaire, c'est encore radioactif pendant 100 000 ans. Ah oui. Donc le but, c'est de les enterrer. C'est long, quand même. C'est long. 100 000 ans, c'est long. Par exemple, je ne sais pas quel âge vous avez, vous. Bah oui, mais c'est moins... Voilà, mais c'est plus, quoi. C'est plus. C'est plus. Et même en criant très fort comme vous le faites sur les déchets nucléaires, on ne peut pas les... On peut pas essayer de réduire un petit peu la radioactivité? Ben non, non, parce que la radioactivité... Non, ça n'a aucun lien finalement. C'était juste pour dire que je parlais fort. Quoi. Très bien, c'est bon, je l'ai. Et donc en fait, la problématique, c'est de savoir comment on va pouvoir enterrer ces déchets-là donc, dans le bâtiment qu'ils sont en train de construire, qui s'appelle donc Onkalo. D'accord. De laisser ces déchets-là, de faire en sorte que tout le bâtiment, pendant 100 000 ans, il fonctionne de façon autonome, qu'il n'y ait rien d'autre à faire, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'en 2100, ils vont fermer ce bâtiment-là. Et qui ne sera plus jamais réouvert, comme un tombeau égyptien par exemple. Ouais. Voilà. Donc il y a plusieurs problématiques qui se posent, c'est-à-dire on va laisser les déchets, il faut que le bâtiment il continue de fonctionner pendant 100 000 ans sans aucune intervention mais humaine. Mais du coup, son fonctionnement il consiste en quoi exactement? Le fonctionnement c'est notamment de rester le plus clos. Hermétique possible. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas de fonctionnement, il n'y a rien Non, parce qu'après les déchets sont stockés là. Mais en fait là où ça devient vraiment intéressant dans le documentaire, c'est quand il parle du fait que dans 100 000 ans, on ne sait pas comment la civilisation elle aura évolué, on ne sait pas quelle va être la nouvelle civilisation. Comment en fait prévenir les générations futures qu'il ne faut surtout pas rentrer dans ce bâtiment-là? Parce que du coup, ça va être un bâtiment qui va être très dangereux. La radioactivité, ça peut être, ça peut être, à distance, on peut être contaminé par la radioactivité. Sûr. Donc, le fait de rentrer dans ce bâtiment-là peut être déjà dangereux pour les civilisations futures. Déjà, peut-être ne pas mettre de porte. Mais il faut quand même bien. Il y aura toujours une façon de rentrer. Faut bien. Il y a des gens qui y travaillent actuellement. Non, mais je veux dire, s'ils mettent une porte, au moins mettez un verrou, quoi. Ah, oui, alors le bâtiment sera en effet fermé. En fait, la question qui se pose, c'est. Non, mais ou alors. Mettez un putain de loquet, quoi. Non, mais faut mettre un loquet. Genre une targette. Ouais. Ouais, ça peut être pas. Non, c'est un bon début. Donc, ça, ils y ont pensé, par exemple. Mais je sais qu'en Belgique, ils avaient fait ça, mais ils avaient mis une chatière. Et le problème, c'est que. Ah bah ouais. Le problème, c'est que du coup, ça passait. Quoi. Les chats sont, radioactifs maintenant en Belgique. Ah oui. Non, et c'est surtout savoir comment faire en sorte que les générations futures ne vont pas agir comme nous. On a agi avec les pyramides égyptiennes, avec les cités incas. Et comment savoir... Oui, mais c'est incroyable parce que... Excusez-moi. Hein, oui, non, mais allez-y. Mais juste l'échelle de temps entre les cités incas et nous... Et les pyramides et nous, c'est quelques millénaires. Et là, on parle de 100 000 ans. Justement, mais c'est pour c'est ça que impossible. La problématique, elle est encore plus complexe. C'est impossible. Et après, c'est marrant que vous parliez d'échelle de temps, parce que justement, les scientifiques dans ce documentaire-là, Into Eternity, ils parlent justement des deux échelles de temps. C'est-à-dire l'échelle de temps qu'il va y avoir sous Terre, donc dans Onkalo, avec tous ces déchets nucléaires-là, qui va être, on va dire, une échelle de temps plus lente, parce qu'il ne va rien se passer sous Terre. Et justement, à la surface, où ça va bouger extrêmement vite, de par les guerres entre les populations, de par les séismes, de par les tsunamis, ce genre de choses, tout peut basculer quasiment du jour au lendemain. Et donc, c'est comment se projeter suffisamment dans le futur pour réussir à prévoir ce que les générations futures vont faire et comment les prévenir en sachant, du coup, il y a toute la question du langage qui se pose. Alors, une tête de mort, ça peut marcher, mais est-ce que malgré ces indications-là qui prouvent qu'il y a un danger, les gens vont quand même pas essayer d'y rentrer pour justement essayer de découvrir un trésor ou une certaine richesse, ce genre de choses, quoi. Mais finalement, c'est la même problématique que pour la sonde, je sais plus, Explorer. On essaie d'envoyer un message à destination des extraterrestres. On disait comment on peut communiquer, comment on peut envoyer un message clair à des gens qu'on connaît pas du tout. Finalement, les générations à venir. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans leur logique, ils disent que dans 100 000 ans, il y aura toujours des êtres humains. C'est pas quelque chose qui remet en cause, quoi. Bah, être humain ou autre, quand on dit civilisation, c'est vrai que ça les opossums, des êtres humains, par exemple, qui pour moi vont gouverner le monde dans au moins 100 000 ans. Ouais. Bah, c'est sûr. Même dans une petite trentaine d'années, je pense. Voire moins. Ah ouais, voilà, 2022 opossum 2022. Je pense qu'il y aura une guerre opossum raton laveur qui, à mon avis, va faire du dégât. Mais voilà, qui va faire du dégât. Donc en effet, ça risque d'être des êtres humains. Mais voilà, comment ils vont pas interpréter ça comme un site religieux, comme un complexe funéraire, comme un trésor. Comment les prévenir de tout ça, en fait. Et donc d'accord. C'est des vraies problématiques, à la fois sur le langage, et du coup, ça fait penser au film Premier Contact. Oui. Qui, c'est exactement ça, en fait. Donc là, on parle d'une civilisation extraterrestre dans Premier Contact, mais qui ont un moyen de communiquer qui est complètement différent d'une autre. Oui, c'est ça. Et du coup, il faut intervenir une linguiste, je crois. Une linguiste, oui, pour essayer de comprendre comment ils peuvent communiquer. Une linguiste. Excellent groupe de hip-hop. Oui, mais merci beaucoup pour... Voilà. C'était la parenthèse. Mais voilà, pour la faire intervenir, pour savoir comment ils communiquent, etc. Et donc, il faudrait peut-être du coup qu'ils mettent une... tu sais, ils mettent une linguiste dans la boîte et elle attend. Pendant 100 000 ans Je crois qu'ils y ont pensé, mais ils se sont dit que non, c'était une solution un peu court terme. Quoi. D'accord. Et l'autre question qui est posée dans le documentaire, c'est comment être sûr que les déchets radioactifs, un jour, ils ne vont pas avoir une valeur supérieure à celle de l'or. Ça, c'est pareil, c'est une question qui se pose vraiment. Donc, il y a des chercheurs qui planchent sur le sujet. Et pourquoi ça prendrait de la valeur Bah, justement, parce que ça va pouvoir peut-être être une source d'énergie dans le futur, qu'on va réussir à, voilà, à en dégager de l'énergie, en dégager, je sais pas, une valeur pécuniaire, que ça va pouvoir se revendre, etc. Et que du coup, ça va peut-être forcer des gens. Voilà. Et alors, une des solutions qui était la plus. Enfin voilà, qui pouvait marcher, oui. Ça serait d'enterrer complètement le Onkalo, d'enterrer la cachette complètement et de la laisser, là recouvert de terre et en espérant qu'on allait l'oublier en fait. Pour moi, c'est la meilleure solution. En fait, c'est ce que les scientifiques se sont dit en se disant, il y a quand même très peu de chance. Mais c'est ce que j'aurais dit directement. Ah, ils vous ont pas contacté vous ? Non. Ok, parce que moi, du coup, on a échangé sur le sujet un peu. Parce que imaginez qu'on puisse communiquer avec des êtres humains il y a 100 000 ans. Dans 100 000 ans, c'est exactement comme si à 100 000 ans, en gros, c'est l'époque où Homo sapiens se diffusait un petit peu sur la planète. Ouais. Comme si eux, à cette époque, se disaient, on va essayer de trouver une moyen de laisser une trace pour envoyer un message aux gens d'aujourd'hui. C'est impossible parce que leur cerveau et leur conception du monde ne peut pas. Bah, c'est ça. Sachant qu'en plus, on évolue de plus en plus vite, les choses changent de plus en plus vite. C'est ce qu'ils disent, c'est que l'échelle à la surface. Donc de il faut temps, cacher le truc, ou alors il faut laisser les déchets là où ils sont. Bah non, ça va, ça, non mais ça va. Ah oui, mais du coup là on se soucie pas des générations. Ou on les met en Chine. En quoi ? En Chine. Ou on les met dans des nuggets. Dans des nuggets ? Ouais. Je vois que vous avez un petit bout à chaque fois dans les nuggets. Les gens n'y verront que du feu. Bah ouais. C'est vrai. Mais je crois que c'est déjà ce qu'ils font. Hein. Ah bah c'est possible. Ouais. Mais pour repartir sur la question de l'oubli, c'est quelque chose en fait que la loi ne permet pas en fait. À ne pas confondre avec Lou Béga, hein, encore une fois. Parce que je sais que oui. Ça. Ou avec Louis C.K. Oui. Voilà, qui se pogne dans des jeunes femmes non consentantes. Mais qui remonte sur scène d'ailleurs. Bah oui, bah... Il va refaire un special sur Netflix bientôt. On va faire un peep show. Et du coup, la loi en fait ne permet pas ça. On est obligé de transmettre les informations de Onkalo et de tous les sites en fait industriels comme ça aux générations futures. Au cas d'accord. où justement il y a un problème. Oui, il faut un dossier, il faut une trace. Voilà, il faut quelque chose. Et les informations du site doivent être en fait préservées en permanence. Du coup, cette technique de l'oubli. Elle n'est pas non plus. Elle n'est pas viable. Elle est pas non plus viable. Mais par exemple, à Fukushima, oui. Il y a des sortes de grands parcs, des espaces où sous des bâches ouais. bleues, il y a des déchets qui sont enfermés, des parties très radioactives qui sont enfermées. Mm-hmm. Ils ne peuvent pas y aller. Il y a des bâches qui commencent à se détériorer, à s'envoler. C'est un peu un échec. On ne sait pas quoi faire. Quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est problématique. On sait pas. Voilà. Et du coup, tout ce documentaire-là, il est hyper intéressant. Déjà, la bande-son, elle est vraiment cool. Il y a des très bonnes musiques. Les paysages et la façon dont c'est filmé, c'est vraiment chouette. Et puis aussi, il y a toute l'ambiance qui est derrière. C'est-à-dire que le réalisateur, en fait, il va s'adresser aux générations futures comme si ce documentaire-là, en fait, c'était un témoignage et aussi un peu une mise en garde. D'accord. Donc, s'ils sont en effet capables de comprendre le langage. Mais voilà, c'est comme un document un peu d'accord, témoin de tout bien. Ça. Et du coup, il commence le film. Alors, je vous lis juste un petit paragraphe. Okay, voilà. Il commence le film... comme s'il s'adressait aux générations futures en disant « Vous vous trouvez maintenant dans un lieu où nous avons enterré quelque chose loin de vous pour vous protéger. Et nous vous sommes donné beaucoup de mal pour être sûr que vous êtes protégé. Cet endroit ne doit pas être troublé. Nous voulons que vous sachiez que ce n'est pas un endroit où vous pouvez vivre. Tenez-vous-en éloigné et vous serez en sécurité. » Mais en fait, c'est terrifiant. C'est-à-dire que ah oui, au-delà peut-être qu'on a envie d'y aller. Quoi, mais c'est ça, c'est la boîte de Pandore, en exactement, fait. Exactement, c'est ça. On a l'impression, on te dit « N'ouvrez pas ici. Oui, voilà, n'ouvrez pas cette boîte. » Il y a. C'est pour ça que ça reprend vraiment cette thématique du côté Indiana Jones. C'est du côté aller, bah là on y va au fond du temple et on va vraiment trouver ça, dessus, quoi. Et voilà, et bref, le documentaire est super intéressant, ça pose des problématiques auxquelles moi j'avais jamais pensé. Pour vraiment dans 100 000 ans, c'est extrêmement dur de se projeter. Mais oui, c'est impossible, c'est même pas dur, je crois que c'est impossible. Je crois que c'est impossible. D'ailleurs, il y a un autre truc à la fin, le réalisateur pose la question aux scientifiques, est-ce que vous faites confiance en fait, enfin est-ce que c'est une histoire de confiance vis-à-vis des générations futures? Et un des chercheurs répond, mais en fait, on n'en sait rien, quoi. Enfin, c'est même plus la génération future, là. Ils disent même pas j'ai confiance ou j'ai pas confiance. C'est impossible de prévoir dans 100 000 ans. Enfin, déjà, dans 100 ans, on est mais même mal. Moi, je vois dans une semaine, ouais. Je sais pas encore si. Hein. Voilà, du coup. Bah, écoutez, je reconnais là votre petite sensibilité écologique. Non, mais même pas. Mais si, mais j'aime bien, vous avez le droit. Ah, mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est vraiment surtout cette notion du langage et comment communiquer avec les générations futures que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans le documentaire. C'est vrai. Non, mais pour moi, c'est un problème insoluble. Mais je suis assez d'accord avec ça. Du coup, voilà, documentaire. Mais c'est vertigineux. Disponible sur Dailymotion, version originale, sous-titre français. Ça sera peut-être l'occasion pour moi de retourner sur Dailymotion, que je n'ai pas fait depuis 15 ans. Moi, je pensais que le site était mort, hein, mais non, non. Non, mais c'est Canal Plus qui l'a, je crois. C'est vrai ? Ouais. Ah bah, décidément, que des bons investissements. Ouais, je crois que c'est Canal maintenant. Canal Plus qui sera bientôt diffusé sur TMC à la rentrée. Très voilà. Bonne vanne, mais pas de vous, ça. Je non, sens de que Gorafi. Ça, ouais, ça sentait pas le vous, ça. C'était le Gorafi, je l'avoue complètement, mais que j'ai trouvé très très bonne aussi. Donc voilà, une tweet en et Gorafi, ce qui est marrant, c'est qu'à l'envers, ça fait Libération. J'avais découvert ça. Petite pause. Allez, petite pause. Oui. De la station. Cogne de la station. Jean-Pierre Bernaud et Richie Bouze. Oui. Oh là là là là là là, mon Jean-Bien, vous nous parliez de cacher des choses dans des petits trous. Nicolo, on s'appelle de Xavier Dupont-Ligonnès qui avait essayé aussi. Ça n'a pas duré 100 000 ans. Ça n'a pas duré 100 000 ans. C'est vrai. Vous me parliez d'un documentaire. Into Eternity. Moi, je vais vous parler un peu de films, de cinéma. J'ai une petite nouvelle idée de chronique qui m'est venue. Peut-être ce sera récurrent, peut-être ce sera pas récurrent. Ah, c'est intéressant. Vous savez, il y a des films qu'on a honte d'aimer. Parce qu'il y a des films que vous avez un peu honte d'aimer, vous avez du mal à dire à tout le monde, oui, j'avoue, je kiffe ce film. Moi, je peux vous le dire, c'est Camping. Hein. Le 1, le 2, le 3. Hein. Ah, les 3 ouais. Ouais, ouais. Je vous avais dit que j'avais honte. Ouais, ouais, non, mais en plus, je vous juge pas. Attends, mais je suis en train de chercher. Même le 4. Non, mais c'est les séries, par contre, ouais. Ah, des séries, j'en ai un petit paquet. Ah, vous avez honte, genre. Bah, genre Gossip Girl. Ah oui. Toutes les séries un peu girly comme ça. Oui, mais vous avez toujours été un petit peu girly. Oui, c'est vrai. Non, mais par exemple Dark Angel, c'est pareil, c'est pas quelque chose de très nouveau en plus. Et puis, ouais. Ah, ben vous, toutes les séries M6, on s'en souvient. Oui, on avait parlé voilà. Déjà. Bah, c'est vraiment une passion. Mais ouais, Gossip Girl, on va dire que c'est un truc un peu. D'accord. Mais donc... même Pretty Little Liars, des trucs comme ça. Enfin, oui, oui. Ouais. Mmh. Bah, bon, en gros, il y a des films qu'on a honte d'aimer, mais il y a aussi des films qu'on a honte de ne pas aimer. Je m'explique. Ah, il y a des films, genre des gros classiques. Le sous-marin de Potemkin. Tout le monde, voilà, le cuirassé Potemkin. Le cuirassé. Tout le monde admet que c'est des chefs-d'œuvre, etc. Oui. Mais on se sent un petit peu gêné de dire qu'on n'aime pas. Oui, oui. Des gros classiques du cinéma ou des films vraiment, pas forcément des classiques, mais des films vraiment que tout le monde aime. Par ouais, exemple, c'est Ventura. Bah, même pire, ça serait compliqué de dire vraiment, mais Retour vers le futur, je trouve que c'est à chier. Quoi. Ah oui, voilà. Ouais, c'est un petit peu compliqué de le dire, et moi, ça me fait ça pour un film. Ouais. Et je vais vous en parler aujourd'hui, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je n'aime pas ce film. D'accord, et vous me le dites avant ? Ah oui, oui, je vous le dis. Il n'y a pas de. Rassurez-vous, j'en sors du film. J'en ai marre, là, je suis stressé. Je vais vous dire tout de suite du film. Il s'agit de Forrest Gump. Ah ok, vous aimez pas Forrest Gump ? Bah voilà, je vous aime pas vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Bah, allez-y. Forrest Gump, voilà. Réaction que vous avez eue, réaction normale, film que beaucoup de gens aiment. Moi j'aime bien, ouais. En plus, qui a été salué par la critique, 6 Oscars. Tom Hanks, l'acteur qu'en général on kiffe. Je kiffe Tom Hanks pour le coup, c'est pas bah, à cause oui. de lui que voilà, l'acteur vraiment qui est très apprécié. Puis Robert Zemeckis, quoi. Donc. Voilà. Boulet de brebis. Ah, elle est excellente. Donc, oh, écoutez, j'ai commencé par les points positifs du film, justement, ouais. Bah, Tom Hanks. Vous commencez par les points positifs. Oui, hein. Voilà. Ce qui me dérange pas dans le film, c'est pas ce qui me dérange, c'est Tom Hanks. Je trouve qu'il est très bon dans le film. Il est bon quand même. Il est vraiment bon. Donc c'est bien, voilà. Ça, je reconnais, il est très bon dans le film. Je trouve que visuellement, c'est un film qui est chouette. Mmh, c'est et je trouve que les insertions dans les images d'archives sont quand même bien foutues pour l'époque, lorsqu'il serre la main du président, etc. C'est vrai qu'il y a tout ça aussi. Ouais, ça, c'est cool. Voilà, c'est pas un truc qui se fait trop non plus. Bah, surtout, non, à l'époque, c'est pour ça. Donc je reconnais que c'était les qualités du film. Ce que j'aime moins, en revanche, c'est déjà la longueur du film. C'est un film. J'ai l'impression qu'il durait 3h50 et en fait il dure seulement 2h20. Oui, mais ça c'est votre ressenti à vous. Non, ouais, mais moi j'avais vraiment l'impression quand il passait quand j'étais petit à la télé que ça durait mais 3h. Parce qu'il se passe plein de trucs aussi. Parce qu'il se passe plein de trucs. Et enfin, la raison pour laquelle je l'aime moins, quand j'étais plus jeune, je l'aimais pas trop sans savoir pourquoi. C'était en partie par la longueur, puis l'histoire m'intéressait pas. Et en grandissant, j'ai un petit peu analysé pourquoi j'aimais pas ça. Okay. Et je l'ai compris, et c'est en particulier à cause de l'histoire du film. Pourquoi ? Et j'ai une petite analyse à vous proposer. Allez-y. La vision très simpliste de l'histoire avec un grand H des États-Unis dans le peut-être film. Peut-être un. Je sais pas, est-ce que vous avez fait un bref récap en même temps pour être sûr que tout le monde l'ait ? Même si c'est un truc extrêmement connu, mais par exemple, moi j'ai un petit peu oublié. Ouais. En gros, l'histoire de Forrest Gump, on va suivre Forrest Gump qui est un handicapé mental, en tout cas qui a un QI dans le film de 75, donc il est. Un peu retardé. Un peu attardé, voilà, ouais. c'est pas une lumière. Witcher. Il est assis sur un banc au début du film, il attend le bus. Différentes personnes vont s'arrêter à côté de lui sur ce banc. Il va raconter son histoire, qui est une histoire en fait incroyable. Mm-hmm. Il s'est engagé dans l'armée, il a monté des restaurants, il a fait plein de choses. En fait, il a sur des bateaux de pêche, il a été. Voilà, à travers son histoire personnelle, on va suivre l'histoire des États-Unis aussi, à travers la guerre du Vietnam, entre autres. Mm-hmm. Voilà, en gros, l'histoire du film. Ouais. C'est justement cette histoire qui me gêne. Je trouve qu'il y a une vision de l'histoire des États-Unis qui est très, très, très, très un petit peu dangereuse. Comment si on parlait juste de la guerre du Vietnam, il y a quand même une vision un petit peu étrange de la guerre du Vietnam, un petit peu franche camaraderie, etc. Ah, côté un peu bonne ambiance de la guerre du Vietnam. Bonne ambiance, il y a un patriotisme. Moi, ça n'avait pas l'air si... il y a un patriotisme assez exacerbé dans le film. Et surtout, j'ai un plan de lecture du film. Est-ce que vous vous souvenez de Jenny dans le film ? Non. Ah, c'est ça, son amie, en fait, qui le croise dans le film. Il la connaît depuis qu'il est tout petit. Oui, si. Et en fait, on peut lire ce film à travers leur destin croisé. En fait, Forrest Gump, Ouais. Pour moi, symboliserait plutôt la droite américaine, plutôt le parti républicain. Ah ouais. En fait, c'est un idiot, mais il est volontaire et il s'engage partout où on lui dit sans poser de questions. Vraiment le voilà. Républicain. Et quand on lui dit d'aller à la guerre, il est content d'y aller, etc. Ouais, ouais. Ça lui porte chance parce qu'il finit médaillé de guerre et il finit aussi très riche parce qu'il est entrepreneur. Mm-hmm. Avec son entreprise, etc. Il fait la une de Fortunes dans le film, etc. Ah oui, c'est vrai qu'il fait la une de... Mais à l'inverse, lui, il a grandi dans une famille bourgeoise, Forrest Gump, dans une grande maison du sud des États-Unis, en Géorgie, il me semble. Je crois que, en tout cas, c'est dans le sud des États-Unis. Je pourrais pas dire, Et à l'inverse, Jenny, elle grandit dans une famille plutôt modeste. Elle est victime de maltraitance et elle veut changer les choses. Elle représenterait un peu la gauche américaine. Un peu démocrate, militant. Voilà, dans le film, elle dit elle veut être comme John Baez, elle devient hippie, elle se rapproche même un petit peu des Black Panthers. Alors, okay. Il y a une scène où elle est frappée par un membre des Black Panthers et c'est encore une fois Forrest Gump qui vient sauver en frappant le gars, etc. Okay. Black Panthers, c'est le film avec Iron Man et Thor, là. Exactement, ouais. Elle est dans l'équipe du film, en fait, tout simplement. Oui, voilà. Et bref, tous ces engagements de Jenny tout au cours du film, cette volonté de changer les choses, ça va seulement lui apporter la maladie, parce qu'elle finit malade du sida, serveuse, et elle élève seule son enfant. Et en fait, c'est ça dans le film, c'est-à-dire que la moralité du film, c'est... Soyez comme vous faites ce qu'on vous dit. Et vous serez posez heureux. Pas de questions et vous serez heureux. Vous posez pas de questions. Heureux sont les simples d'esprit. Hein, exactement. Ce qu'on dit tout le temps. Donc en fait, Forrest Gump lui suivrait l'histoire officielle des États-Unis. Il est proche du président, il est pro-guerre, etc. Il est entrepreneur, il monte Booba Gump, etc. Et il devient riche. Et Ginny, qui refuse de suivre le modèle, est punie. Et quand on sait qu'elle a le sida à la fin du film et qu'encore à cette époque, la mentalité sur laquelle, lorsqu'on attrapait le sida, c'était une punition divine à cause d'un mode de vie qui était pas correct, ça peut un petit peu aussi résonner comme ça. Et donc, c'est la preuve qu'aux États-Unis, lorsqu'on est un petit peu con, on gravit les échelons. Et c'est encore la preuve aujourd'hui, si on regarde un petit peu la hiérarchie du pays. Et voilà. Donc voilà, en gros, le film nous conseille d'être comme la plume au début du film qui vient se poser près du pied de Forrest Gump, c'est-à-dire de se laisser porter par les événements et de ne pas poser de questions. Et quand on regarde ce film, quand on le revoit à travers cette opposition entre les deux personnages, ça prend un ton très réactionnaire du film, vraiment rétrograde et un petit peu gênant, finalement. Voilà. Bravo, franchement, bravo. Et voilà pourquoi je n'aime pas Forrest Gump. Ok, bah, je comprends. qui c'est qui a réalisé ce film-là? Robert Zemeckis. Oui, vous l'avez dit, pardon, excusez-moi. Bon, l'aide de brebis, d'ailleurs. Voilà, bah, très bonne fête. Est-ce qu'il a fait d'autres films, un peu, justement, qui viennent appuyer cette... Bien sûr. Qui viennent appuyer ça, non? Ouais, qui viennent appuyer cette théorie-là. Non, mais c'est un livre. Ok. Voilà, donc ouais, mais un livre, après, on peut le traiter de plein de façons, même en l'adaptant. Exactement. Au cinéma. Lui, il a quand même choisi. Enfin, si on en croit à votre théorie à vous, il a choisi vraiment temps. Cet aspect-là. Voilà. Et du coup, il a pas fait sa filmographie. Je veux dire, non. Illustre pas ça. C'est pas le genre comme Clint Eastwood maintenant. Non, pas du tout. Okay. Mais c'est quand même quelque chose de récurrent dans le film. On a vraiment deux destins croisés qui sont. Pour le coup, sont vraiment. Et puis en plus, c'est pas fait au hasard. C'est-à-dire que ça suit vraiment l'histoire des États-Unis, quoi. Ouais, ouais. Elle est hippie pendant qu'il fait la guerre au Vietnam, etc. Oui, il y avait vraiment deux visions qui voilà, s'affrontent. C'est vraiment ça, et donc c'est pas un hasard, en fait. Ah, ok. Et si on regarde ça comme ça, on se dit, voilà, bah oui, il a réussi. Il a dit, oh super, je suis content. Fait la guerre, pantan. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. J'espère que cette chronique reviendra. Parce et que j'espère qu'elle reviendra pour vous dire pourquoi je n'aime pas tel film. Est-ce que vous avez un autre film en tête, là? Non, vous voulez peut-être pas... J'ai pas encore réfléchi, mais oui, il y en a sûrement en tête que j'aime pas, alors qu'ils sont beaucoup appréciés, en particulier Pianiste. J'expliquerai pourquoi. Très bien. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, c'est pas le premier truc qui saute aux yeux, mais comme toute œuvre, il y a toujours une deuxième lecture, et qui est parfois la plus importante. Et oui. C'est vrai. Et voilà, si j'ai pu revoyez-le, il dure 3h50 dans ma mémoire, mais après vraiment 2h20 en réalité. Dans les faits, avec des gros guillemets. La réalité, je ne crois pas. Très bien, et ben en tout cas c'est très intéressant, j'aime beaucoup c'est mon plaisir, quand vous faites mon des plaisir. Petites analyses comme ça, ça me plaît parce que c'est souvent pertinent mon cher Richie. Oh bah je vous en prie. Non, c'est bien normal, c'est mérité. Moi je vais faire une petite, j'aimerais faire une petite interview de vous, est-ce que ça vous dérange pas? Ah non, au contraire, j'adore parler de moi. Vous allez... oui, on m'appelle le Flaubert. Ça va faire 2-3 épisodes qu'on en parle de façon négative. En plus, on l'aime beaucoup. Et oui, on l'aime bien. Et moi, j'aime dire fan du Floodcast, etc. Fan du Floodcast. Et de son travail en général, c'est de la blagounette parce qu'on est jaloux. C'est mais tout. Je pense qu'on est jaloux. En fait, on est des jaloux. C'est on est des haters. Le mec est plus jeune que nous. Et on bien est des plus haters. Talentueux. On est des haters. Des haters, on est des gros haters. Non, j'aime des rageux. C'est vrai en plus. Donc voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très gentil. Parle beaucoup. Interview de Richie Booz. Richie Booz, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on pourrait avoir Pasqualina? Est-ce qu'on pourrait avoir une petite musique d'ambiance interview, un peu ce que faisait Ardisson dans Salut les Terriens? Pas Salut les Terriens, dans... C'était quoi? Notre émission d'avant? Il m'en a parlé, ok. Ah ouais, pardon. Ok, c'est parti. C'est marrant, elle parle comme quelqu'un. Il parle vraiment bien. Hein. Ouais, ben il s'est amélioré. C'est vraiment amélioré. Chapeau. Richie Woods, est-ce que vous êtes le type de personne à avoir des couleurs de dragibus préférées? Oui, les noirs. Comme tout le monde. Bah peut-être, mais vous me posez la question. Les noirs et les roses. Ils ont tous les mêmes goûts. Non. Si. Non, pour le coup, on peut dire ça des Smarties. Ils ont tous le même goût, ils ont pas la même couleur, mais les dragibus ont réellement des goûts différents. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais ok. C'est mon point de vue et je l'assume. Donc les roses et les noirs. Ouais. Ok, très bien. Je me demandais quelle était l'expression que vous détestiez le plus. C'est vraiment un truc qui est soit un peu ringard, soit un truc que vous avez tellement entendu, ça vous gave. Moi, l'expression que je déteste le plus, c'est je crois que ce que je vois. Ça, vous aimez pas? Oui. Comme Saint Thomas? Oui, parce qu'en fait. Oui. On peut. Je vais vous le dire pourquoi. Oui. Je vais encore devenir un peu chiant quoi, avec Forrest Gump. Non, parce que à partir du moment où on voit quelque chose, on n'a plus besoin de croire. On peut par définition croire que ce qu'on ne voit pas, puisqu'on est dans la croyance. Quand on a vu, on croit plus, on sait. Ah, c'est beau ce que vous dites. Donc dire je crois que ce que je vois, bah c'est idiot. Bah oui, mais d'un autre côté, ça veut aussi dire qu'on se laisse pas, qu'on va pas croire tout ce qu'on nous dit non plus. Oui, mais c'est aussi on parlait de l'ère des fake news, bah on en est là. C'est aussi c'est un peu se méfier de ça et avoir un avis critique sur ce qu'on nous dit. Voilà, tout à fait. Mais ça change pas ce que je dis. Ok, très bien. Donc on sait que vous êtes co-animateur de Fruits de la Station. C'est vrai, c'est vrai. Que vous avez également une émission sur Pornhub. Mmh. Puis j'ai eu le sida, mais je suis guéri, donc ça va. chat ou chien? Un chien. Oh, bravo. Et pourquoi? Parce que si on nourrit un chien, il trouve qu'on est son dieu. Ouais. Et si on nourrit un chat, il pense que c'est lui le dieu. Je suis exactement d'accord avec vous, je déteste les chats. Peut-être que ça va nous séparer de la plupart de nos auditeurs. Mais voilà. Mais on peut le dire quand même, on aime les chattes. Non mais voilà. Allez, on le dit quoi, merde. Et par contre, si vous deviez être soit un chat, soit... Mais voilà quoi. Soit un chat... Si vous deviez être soit un chat, soit un chien. Ah, pour le coup, ouais. C'est peut-être... ça dépend, parce que... Ouais, moi, je sais, mais... Quelle vie, quoi. Une vie d'appartement, une vie... Non, bah ouais, ça, on peut pas savoir, mais de toute façon, ouais. Bah, je crois que je préférerais être un chien, parce que même si le chien, sa vie est peut-être un peu moins cool, moins libre, mais le chien, il a l'air tout le temps heureux. Là où le chat, on a tout le temps de l'emmerder, donc finalement, le chien, il est heureux, même si sa vie est un pas peu ouf. Comme Forrest Gump, quoi. Voilà. C'est qu'on lui dit quoi faire, et du coup, il est heureux, quoi. Exactement. Et vous, préférez vivre comme ça, dans l'ignorance, quoi, et la bêtise un peu. Votre faux film préféré? Parmi tous ceux que vous Mon avez faux inventé, film. Ouais, parmi tous ceux que vous avez inventé, celui que vous préférez. J'aime bien la maison billard. La maison billard. Ouais. Attends, c'est loin d'être. Vous avez le pitch vite fait. Oui, c'était une petite fille qui faisait une bêtise. C'était à l'époque médiévale. C'était un film fantastique. Ouais. Et l'enchanteur de son père, le roi, le faisait passer dans une maison billard où elle devait faire des épreuves pour revenir dans le vrai monde. Et en gros, elle embrassait un vieux. Elle devenait obèse. Oui, c'était. Non, c'est loin d'être le meilleur au niveau de la construction et tout ça. Mais celui-là, je l'avais trouvé, par exemple. Oui, celui-là, oui, j'avais eu. Ouais. Mais j'aime bien aussi Spider-Pussy. Ce que j'allais dire, moi, je crois que c'est celui-là mon préféré, Spider-Pussy. Même s'il m'a un peu traumatisé sur certains aspects, mais c'est celui que j'aime bien. Et j'aime bien aussi Scissors, mais j'aime tout ce que j'ai fait en fait. Je suis très fan de mon travail même. En général. Ouais, je comprends, moi j'aime aussi. J'aime bien aussi Les Goose Day, c'est bon pour la santé. Arrêtez avec ça, c'est un vrai film, j'en suis sûr. Pour rédiger vos chroniques de Fruits de la Station, est-ce que vous avez une manière de procéder, quelque chose en particulier? Est-ce que vous posez avec une lumière tamisée, un petit En général, je vais dans un petit café de Saint-Germain-des-Prés. D'accord, normal, moi aussi. Je me prends un verre d'absinthe. D'accord. Et je me lance dans l'écriture. C'est un peu le Charles Bukowski du podcast, en fait. Ouais. Ouais, ok. Très bien. Charles Pasqua du podcast. Pardon? Le Charles Pasqua du podcast. C'est vrai que vous avez un peu les couilles au niveau du menton. Ça, c'est Balladur. Ah, pardon. Ouais, parce qu'on avait un peu ça aussi. Hein. Et vivant, Charles Pasqua, on pourrait refaire le jeu du mort. Hein. Pasqua, vivant ou mort, je dirais vivant. Pasqua, non. Oh, joli. Super. Non, pas de blague. Non. C'est sérieux. D'où vient cette passion pour les nanas? Comme ça, vraiment, parce que c'est vraiment une passion. Là, j'ai encore votre DVD tech juste à côté. Voilà, on voit d'ailleurs le Seigneur des Anneaux. Enfin, vraiment que des merdes, quoi. Non, mais c'est une passion que j'ai eue d'abord à travers la musique. Ok, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je pouvais rire pendant des heures en regardant... en regardant Ringo qui chantait « Dites-moi qui est ce grand corbeau noir » qui reprenait « Video Kills the Radio Star » et qui reprenait en français tous les chanteurs des années 60-70 qui reprenaient des standards anglais avec des costumes pas possibles et qui mettaient des paroles françaises absurdes ou des vieux chanteurs complètement dingues. Et du coup, le côté cheap un peu du truc. Ouais, le côté cheap mais sincère. Ok. Ouais, c'est pour ça que j'ai eu une aversion totale pour tous les films genre Sharknado, etc., qui sont faits volontairement de façon nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune tendresse ni aucune sincérité dans la démarche. Est-ce que vous mettez Fast and Furious dans ce genre non, de catégorie? Non, parce que Fast and Furious, c'est une base de vrais films quand même. Ouais, mais qui. Après, il y a du second degré, ils se rient d'eux-mêmes. Ouais, maintenant, mais, de plus en plus, c'est quand même de. Ils se foutent de leur propre gueule en oui. sachant que c'est ça qui marche. Mais pour vous donner un exemple, je préfère 100 fois voir Shark Attack 3. Qui ouais. est une sorte de quasi-téléfilm fait sur un mégalodon qui est censé attaquer des gens, mais qui est fait vraiment avec peu de budget, qui est fait sincèrement. On est sur du 15 euros, je crois. Ouais, ouais, mais okay. qui veut faire une vraie histoire, et en fait, c'est risible. Mais le but de l'histoire, c'était de faire peur, ouais. mais c'est raté. Mm-hmm. Là, c'est touchant. Alors, un Shark in the Sky, où c'est les requins nazis, oui. zombies, qui volent à côté des avions, on fait exprès de faire un truc. Vraiment n'importe bah, ça m'énerve quoi. Parce que j'ai juste l'impression qu'on me prend pour un idiot et qu'on me dit, regarde, voilà. Je suis d'accord avec ça. Voilà. C'est vrai. Votre réplique de film préféré, si vous en avez une, ce serait laquelle? Ah bah ce serait Chasser le naturiste, il revient au bungalow, hein, dans Camping. je l'ai dit tout à l'heure. Il y a ça dans Camping? Je savais pas. Ok. Bah, parfait. Ouais. On revient à un peu ce que je disais tout à l'heure. Après le racisme et les gens qui laissent la porte des toilettes ouvertes quand ils font caca, oui. qu'est-ce qui vous énerve le plus? Bah, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est les gens qui dépassent... C'est vrai. Ça me rend fou. Mais c'est souvent des personnes âgées. Hein. C'est vrai. On voit qu'ils nous ont vus. Mais ils font semblant. Ils sont sincères, ils font comme s'ils nous avaient pas vus. Ils se mettent, on sait que... Ils profitent de leur vieillesse. Ça me rend fou, ça. Je comprends. Moi aussi. Mais est-ce qu'on fera pas pareil quand on sera vieux? Non. Je sais pas. Bon, moi, j'espère pas parce que, franchement, t'as vu, Inch'Allah, j'espère qu'on vivra pas vieux hein, dans ce ouais, monde. Dans ce monde de brutes. Mais vous savez aussi ce qui m'énerve? Non. C'est les gens qui disent au jour d'aujourd'hui. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est et vrai là, je sais que ça va faire du mal parce qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui. C'est pas grave, on n'est pas là pour baisser notre foc. Hein, c'est vrai que. Je suis... Parce que savoir d'accord. que 8, H-U-I, qui est après l'apostrophe, oui. ça désigne déjà le jour dans lequel on se trouve. Donc, quand on dit aujourd'hui, ça veut déjà dire au jour dans lequel on est. Donc, ça veut déjà dire au jour d'aujourd'hui. Donc, quand on dit au jour d'aujourd'hui, ça fait trois fois le... Oui. Donc, ça n'a pas de sens. Et qu'on peut remplacer très facilement par maintenant. Ou actuellement, ou de nos jours. Voilà. De nos jours, c'est peut-être un peu plus large quand même. De nos jours, c'est une période un peu plus importante. Oui, mais en général, quand on dit au jour d'aujourd'hui, on ne signifie pas juste aujourd'hui le. Oui, c'est vrai. C'est voilà, ça veut dire de nos jours quand on dit ça. C'est vrai, ok. Bon, donc les gens raison, qui disent ça, pareil, au goulag. Très bien, parfait. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre morning routine? Ah, ma morning routine. Allez-y, ouais. Alors, moi, c'est simple. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Ensuite, non, en général, je me lave les mains. Ouais. Première chose que je fais, je me lave les mains. Ouais. Pourquoi? Vous avez peur des germes? Ah non, je ne suis pas germophobe, ni germanophone. Mais germanophobe, par contre. Oui. Bah, comme tout bon français, monsieur. Évidemment, une certaine rock. Vin rouge camembert. Allez. Non, je me lave les mains. C'est vrai? Ouais. Je ne prends pas de petit déjeuner. Moi non plus, jamais. Voilà. C'est très mauvais. En général, je vais faire des petits tours de drift avec ma golf. Mm-hmm. Sur le parking du Auchan. Sur le parking. Non, non, c'est pas un Auchan, c'est un Casto. Ah pardon. Bon, ben. Et ensuite, je reviens chez moi, je me recouche parce que ma journée est terminée. J'en ai bien rempli. Ça a été des grosses journées. Okay. Voilà. D'accord. La morning routine de Richie Booth. Le métier que vous rêveriez. Excusez-moi, elle est longue cette interview. Encore ouais, il y a encore 70 questions. D'accord. Le métier que vous rêveriez d'exercer. Réellement? Ouais. J'aurais aimé être biologiste. Très bien. C'est beau. Pourquoi? Enfin... Parce que ça m'aurait passionné. D'accord. Pourquoi exactement? Je sais pas. Je sais pas quelles conditions c'est. Est-ce que c'est une bonne situation? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'aurait passionné. Et le métier que vous exercez réellement? Biologiste. Ok. Prof de bio. Prof de bio. Ouais, c'est terrible. Prof de bio. Vraiment, bah, le fond, quoi. Le fond du panier, quoi. Vous adorez quoi? Bah, moi, je suis dessinateur. Vous allez faire le même avec un autre prof de dessin. Ouais, c'est nul du coup. Continue. Vous prenez souvent des médicaments? C'est très long, hein. Oui, bah écoutez, j'en ai encore pas mal. Vous prenez souvent des médicaments? Oui. C'est quoi que vous préférez? Tramadol. Principalement, mais dans un point de vue récréatif, hein, bien sûr. C'est pas, oui, bah, complètement. Ouais. On connaît votre passion donc, pour la chasse et la taxidermie. C'est vrai. Et quel est l'animal que vous aimeriez empailler au-dessus de votre cheminée? Le dodo. Ah oui. C'est bien ça. Ouais, ça serait stylé. C'est bien le dodo. Ok. Qu'est-ce qui vous effraie le plus dans la vie? Les chouettes effraies. Et Samy frais. Et le fromage frais également. Très bien. C'est vrai, j'étais pas sûr de la poser, mais vous voyez, je suis très content de la réponse. Le jeu de mots de Laurent Ruquier que vous aimez le plus? Ah, c'est lorsqu'il dit... alors, je sais plus dans quelle occasion, je pourrais plus vous le dire, mais... Ouais. Il dit... ils ont conservé cette espèce dans du formol, et la vôtre aussi, elle est formol. Oh, putain. Ouais. Une dernière. Jolie. Il faut se balancer de gauche à droite, oui. N'oubliez pas. Une dernière, est-ce que pour vous aussi, dans les années 2000, un des objets les plus drôles, c'était la pâte à proutes? Ah, clairement. Ok. Ah oui, oui, ouais, sans du doute, la pâte à proutes. Parfait. Oui. Ah si, une dernière pour conclure. Ça laissait une petite odeur sur les doigts. Hein. Ouais, mais qui n'était pas désagréable. Bah, après, et puis ça nous préparait aussi à bien des quand des expériences. Au collège, tu pouvais faire semblant que c'était autre alors chose. Alors moi, j'avais arrêté en primaire la pâte à proutes. Ah, pardon. Ok, attends. Et pour terminer... J'étais à la fac avec ta pâte à proutes dans l'amphi. Et ça faisait chier tout le monde. Et quelqu'un s'asseyait. J'arrivais 10 minutes avant tout le monde. Schlag. Pardon. D'accord. Et c'est très long cette interview. Ça me flatte. Hein, mais... En fait, j'en ai plein que j'ai loupé parce que vous me faites remarquer que c'est très long alors qu'en fait, pas tant que ça, pas plus que votre maxi pitch. Ah bah non, heureusement. Votre théorie du complot préférée. Ah, après, on sait que ça énerve souvent les gens parce qu'il y a plein de gens très susceptibles sur les théories du complot. Ouais. Mais ma théorie du complot préférée, c'est certainement sur les avions qui, avec leur traînée, voient du gaz pour trades. Contrôler le peuple. Ouais, j'adore celle-là aussi. Moi, je pense que ouais, celle-là est bien. Mm. Celle-là est pas mal, ouais. Voilà. Ouais. Ça, bon, le 11 septembre. Et puis, la Shoah. Gros n'importe quoi, ça aussi. Hein. Shoah, ça m'étonnerait quand même qu'ils aient pu faire Shoah ça. Shoah banana, quoi. Comment vous voyez l'avenir de Fruits de la Station? Je vois radieux. Je vois exponentiel. Je sens que les gens vont nous aider et qu'ils vont nous porter sur leurs épaules et qu'on va devenir des vraies starlettes. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Écoutez, c'était la dernière question de cette interview. Ah, merci. Je vous remercie. Et c'était aussi la fin de Fruits de la Station. Et c'est aussi la fin, pas de la Fruits de la Station, mais de l'épisode numéro 16 de bien Fruits entendu. De la Station. On vous embrasse bien fort, les fruitos. Merci, salut les gros jeunes. Gros bisous. La bise. Ciao.